Wesh cousin, c'est MC Tu Kiffes, le rappeur qui casse tout. Et moi j'écoute Actu Solite le lundi soir parce qu'il y a du bon son, t'as vu? Tout le monde écoute Actu Solite. Actu Solite sur Indestar. C'est foué. Bon, c'est foué. C'est foué, ouais, bah, c'est foué comme Le saucisson. Oui, le fouet. Bah oui, quand même. Ouais, d'accord, exactement. Je pensais juste au verbe fouetter, du verbe fouer. Il y a fouet le saucisson, il y a fouet le pain. Oui, bah moi je pensais au fouet le pain plus que le saucisson. Et d'ailleurs, j'en profite, je sais que c'est tout début de l'émission et que c'est pas le moment où on raconte nos anecdotes, mais ce week-end j'ai mangé des fouets. J'ai cru qu'il avait fait du pain. Ouais. Du pain. Pas, oui, des fouets de pain, oui. Je connais pas. Si. C'est du pain, un genre de petit ciabatta en fait. Je connais pas. De quoi? Merde. ciabatta. De ciabatta. Ouais. À la française, ça donne ça. C'est bon, avec l'accent italien, ça donne ciabatta. Ah ouais, c'est mieux ciabatta. Ouais. Je ne sais toujours pas ce que c'est. Bon bref, c'était bon. C'est du pain à l'huile d'olive principalement. Okay. Ouais. Ah ok, d'accord. Ah, ok. C'est gras, non? Bah pas forcément. C'est du pain, donc ouais, c'est pas forcément gras, mais ouais. Mais de façon, le saucisson, c'est pas mieux, hein. C'est vrai. Non, non, c'est pas super gras au toucher, mais ça sert effectivement à faire des trucs ouais, pas très cato. Non, non, pas des sauces, plutôt des sandwichs chauds. Ah ouais. Des fouets, genre là, tu peux te faire un fouet au Nutella. C'est ça qu'il a bouffé comme un gros dalleux, Théo. Oui, mais pas que, parce que j'ai aussi mangé un fouet. En fait, j'ai mangé deux fouets. Hein, un fouet en plat et un fouet en dessert. Il t'a jamais fait goûter son. Ah, c'est quoi son burger surprise? Le American Surprise. American Surprise. C'est, bah écoute, j'ai pas de souvenir d'en avoir mangé. Ah, c'est dommage. J'ai des souvenirs de l'avoir vu, je crois. Et bah, tu sais qu'il l'a fait au Nouvel An. Je me suis dit, ça va faire un. Brah, brah, brah, et alors, le pot Nutella y est passé entièrement. Tout le monde en a bouffé. Et, deux, non, et plutôt deux fois pas, qu'une. J'ai hein. pas goûté, moi. Il a mis du Nutella et de la viande. Non, non, non. En fait, c'est. Alors. J'ai droit. Attends, je sais pas s'il faut divulguer la recette parce que c'est secret quand même. Ah bah si, bah si. Bon, je le fais parce que je sais que vous êtes des fidèles de l'émission et que c'est pour vous remercier pour tout ce que vous avez été présent cette année. Alors. Pour vous remercier de tout ce que vous avez ouais, fait. Ouais, ça va. Tu sais vite. Alors, la recette de l'American Surprise. Mesdames et messieurs, vous prenez du pain burger, d'accord? Là, c'était des briochés que t'avais pris. Ouais, c'est encore meilleur. C'est vrai que le brioché, c'est top du top. Vous mettez du Nutella dessus, d'accord? Vous étalez bien. Là, tout va bien. Genre, ouais. Vous étalez bien 3 cm de Nutella, hein, c'est ce qu'il faut. Au moins ça. Normal, la base. Ensuite, vous mettez une petite couche, alors idéalement de compote, comment, bonne maman, celle qui valent 4 euros le pot là. La fraise? Alors pas de la fraise, moi je mets plutôt mangue, fruit de la passion, oui mangue, c'est pas mal la mangue. Donc tu étales une petite couche de ça, et ensuite tu arroses de chantilly dessus. Tu recouvres évidemment, et ça te fait un American Surprise. Voilà, donc en termes de régime, clairement... Tu prends 10 kilos en clairement, en tu en prends 10 bouchée. Kilos. En termes de diabète aussi, c'est pas mal. En termes de diabète, c'est en pareil. En termes de cholestérol, c'est pas mal oui, aussi. Oui, oui. Non, mais tout ce qui est santé, non, on s'en fout. Ah si, le sel, ça va. Mais par contre, c'est bon, hein. Ouais, oui, non, bah moi, j'avais goûté, j'étais pas emballée. Donc je lui ai dit, juste, donne-moi de la brioche avec du Nutella, quoi. Je fais un truc basique, quoi. Ton copain en a mangé deux. Oui, mais même le petit, là, le petit de ouais, mais attends, 4 lui, ans, là. Le petit de quoi. 4 ans, on a bouffé deux aussi. Bah deux moitiés. Ouais, deux moitiés. Mais il y en a pas mal qu'on en... enfin le pot de Nutella il est passé hein, clairement. En même temps, il y avait Nico aussi. Nico, bisous à toi si tu nous écoutes. Ah. Lui un jour, on l'a invité à manger une crêpe, bah des crêpes à la maison parce qu'en fait mes parents déménageaient et on devait nettoyer la maison. Ouais. Et il habite à 1h30 de chez nous, je crois. Et on lui a dit, viens à la maison, on fera des crêpes. Alors lui, il vient tout content. Bah, il vient pour les crêpes. Et on lui a dit, bah d'abord, tu nettoies. Alors il a fait le ménage et il a fait une crêpe. Il a fait la crêpe, le jambon, le Nutella, avec du fromage, tout dedans. Ah merde. Et de la chantilly, je crois, avec. Ou okay. Un truc du. Alors moi, je sais pas, j'adore les crêpes salées, mais alors en c'est un peu fois, comme une poubelle, tu mets tout ce que tu trouves. Ouais, bah c'est Nico. C'est un mash-up. C'est un peu ça, ouais. Ouais, pourquoi pas. Après, il y en a qui aiment bien. Mais là, non, c'est vrai que j'étais plutôt content de mon American Surprise. Voilà. Ouais, t'étais content. Je crois que c'est la première fois que j'ai inventé une nouvelle recette là. Alors, c'est pas vraiment moi qui l'ai inventé. J'ai appelé ça. Attends. Alors, c'est pas lui qui l'a inventé, mais il te cherche un autre prénom en mode. Bien sûr. Oui. Oui, et puis j'ai ajouté ma petite touche perso quand même. Oui, il l'a modifié et il se l'approprie. Tu sais que j'ai appelé ça le Beauglu. Alors, le Beauglu. Ah bah non, vous voyez pas là si je vous fais ça. Attendez. À la caméra parce qu'on est sur Twitch hein. Donc si vous avez une petite voilà, qu'est-ce vous... que c'est que cette merde, on dirait un burger. Regardez-moi ça comme c'est beau. C'est un pancake, c'est du pain. Eh, c'est beau hein. C'est du pain au caramel. Alors, tu veux la recette du Beauglu? Bah ça me fait peur mais c'est beau hein quand même. Alors, tu prends. C'est ta photo à toi ça? Ouais. Ah, pas mal. Ouais, mais la retoucher avec Insta. Un petit effet. Oui. Alors, tu prends du pain de mie. D'accord? Des tranches de pain de mie. Ouais. OK, tu mets une tranche dessous. Tu prends un Kinder. les Kinder comment ça salmonelle. S'appelle non, tu, Kinder oui, salmonelle. Non, mais sans salmonelle s'il vous plaît. Chocobon. Non, tu sais les bueno. Kinder surprise. Maxi. Voilà. Kinder Maxi, ah ouais. tu en coupes je crois que c'est deux fois tu en mets quatre en fait, deux et deux à un côté de l'autre pour que ça fasse un petit carré au milieu de ton de ton pain. Tu reprends du pain de mie. Tu mets une tranche dessus. Là, tu prends un verre. Porte-pièce, ouais. Tu prends un verre, voilà. Oui, un porte-pièce. Et clac. On est pro, on l'est pas. Hein. Moi, je prends un verre, ça marche très bien. Tu appuies avec ton verre pour former le moule. Tu enlèves, ça te fait cette forme qui te tient toute seule, d'accord ? C'est un pancake. Ouais. Ok. Ensuite, tu mets évidemment au grille-pain pendant une minute, à peu alors, près. Alors, faut pas te louper parce que si ça dégouline faut dans pas les que ça brûle. Ah non, mais ça peut pas dégouliner parce que c'est fermé avec l'emporte-pièce. Oui, mais si c'est mal soudé à un endroit. C'est toujours bien soudé. Moi, ça, j'en ai fait 10. Okay. Les 10 étaient bien soudés. Bon, bah, c'est donc, tu fais griller légèrement. Et là, j'ai rajouté une petite note de caramel au beurre salé dessus, histoire de fignoler le tout. C'est une beauté et c'est super bon. En vrai, c'est super. Pas, déjà, moi, faut le manger quand c'est un peu tiède, tu sais. Mais tout ce qui est Kinder fondu, machin, ah, j'ai du mal. Parce que moi, mes Kinder, déjà, je les mets au frigo, tu vois. Oui. Non, mais là, je suis sûr que t'adorerais. Faudrait que je le fasse, mais il faudrait que je ramène un grille-pain et tout. Mais tu pourrais le faire ramène à la poêle. À la poêle, ouais, ça doit marcher. Dans on n'a pas de poêle non plus à Indestar. Mais... Un peu façon pain perdu, je pense. Ça pourrait être pas mal. Oui, pourquoi pas. Ouais. Et quand tu viendras à la maison, alors tu mets du Nutella dedans. Je te ferai des bouclus. Bien sûr. Non, tu mets du Nutella dedans. Ah, faudrait que j'essaye avec du Nutella. Ça doit pas être mauvais avec du Nutella. Nutella et je sais pas, des trucs croquants, des cornflakes, Kellogg's. Ah, les pétales. Ah, carrément. Ouais, bienvenue dans Tu sais, cette émission de bouffe du mercredi soir. Non, j'avais un coup de gueule. Ah, un cul de gueule. Vas-y. D'Anaïs. Faites un coup. Un coup de gueule. Ah, qu'est-ce qui se passe? Contre les jeunes. Contre les jeunes. Ouais, jeunesse, c'est con. Et nous, on a 40 piges. 15 ans, tu vois. Ouais. Rappelle-nous ton âge déjà. Pas beaucoup plus. Alors, genre, vous voyez le pont entre Bléré et La Croix-en-Touraine? Alors, je pense que personne ne voit le pont entre La Croix-en-Touraine. Bon, on s'en fout, mais... je l'ai dans le 37, à côté d'Amboise. Je l'ai traversé, bref. Oui. Donc, je le traverse, et là, il y a des jeunes qui arrivent face à moi, donc bah, sur l'autre côté, par contre, l'autre voie. Ouais, c'est déjà pas mal. En vélo, il y en avait au moins 5 ou 6. Et t'as le premier jeune, il me regarde, et puis genre, il fait esprit de, tu sais, de prendre son vélo et de foncer vers moi, tu vois. Ah, c'est pour se provoquer. Alors, t'es en bagnole? Ouais. Ouais, mais je suis en bagnole. Moi, j'ai une petite de 2 ans derrière moi. Ouais, bah tu crains rien. Non, mais attends, il suffit que je prenne peur que je pète un coup de volant comme ça. Ah bah non, tu le fonces dedans. Tu rigoles, le mec, il était comme ça en train de oui, non, mais justement, il est totalement en tort, donc tu l'écrases, profite. Vélo, ça fait un jeune en moins. Vélo contre Clio, je pense moi, que la Clio gagne. Les jeunes sont mal éduqués en ce moment. Et c'est juste ça. C'est un message aux parents. Ouais, c'est un coup de gueule parce que non, mais. Moi je m'en fous de base. Je veux dire, j'aurais eu peur. Non, mais attends, j'aurais pris peur, j'aurais mis un coup de volant, tu vois. Et tu serais passé par-dessus le pont. Alors qu'elle aurait pu tout simplement l'écraser. Hein. Ouais, mais non, mais c'est vrai que j'avoue. Un mec qui fait ça, moi perso, je prends peur. En plus, j'ai tendance à avoir peur en volant. Je prends le volant. C'est non, problème. Mais sérieux, je fais un coup de volant comme ça. Moi j'ai une petite de 2 ans derrière moi. Hein. Ouais, non, mais je comprends. Moi je suis capable de m'arrêter et de péter une durite. Hein. Ouais. Bah, moi, même si je gêne pas, j'ai envie de l'écraser. Donc, moi, tu sais, avec mes voitures, j'ai pas besoin de m'arrêter pour péter des durites. Hein. Ça va être tout seul. Lui il démarre à peine, ça pète. Alors... Moi, c'est... Donc, bref, c'était mon coup de gueule. Parce que moi, déjà rien que quand. Tu sais, quand tu croises des vélos et qu'il y en a un qui se met à gauche, l'autre à droite. Oui. Ça te fait péter un câble. Les alors, j'ai une petite route de campagne, je te promets, je m'étais arrêtée. Je me suis arrêtée devant les jeunes. Et avec, en plus, j'avais ma voix, genre pas. J'avais une voix super aiguë, tu vois. Mais pas derrière, connard. Moi, déjà, les vélos de base. Ça m'emmerde. Allez, hop, désolé. On défonce les vélos vous ce soir. Vous êtes cycliste, vous me faites chier sur la route. Vous êtes cycliste, vous devez pas exister. Sauf, c'est aussi simple que ça. Sauf quand je suis en vélo. Mais ça n'arrive pas souvent. Non, mais attends, il se gare pas. La dernière fois avec mon copain, on allait. Bah, Anaïs était avec nous, c'était dimanche. Ça me l'avait on, aussi. On allait chez mon père et en fait, il y a un stop en bas d'une côte. Ils ont vu la voiture, ils ont fait exprès de tracer. Mon copain, il a accéléré comme un tarif. Ils se sont dit, oh, on va arrêter. Sauf que les autres qui sont passés devant, ils se garaient pas. Mm-hmm. Ah bah, je peux te dire, ils ont gueulé parce qu'ils sont passés à. Pas très bon de la voiture. Ouais. Moi j'ai failli me chier dessus. Hein, mais... Le mieux c'est de rouler un peu sur la roue arrière des vélos. Ça leur déforme la roue, ils tombent oui. Et toi tu te marres. C'est ce qu'a fait un bus l'autre fois en Angleterre. On en oui a parlé dans Starter. Hein, mais le vélo faisait exprès de ralentir tout le monde. Tu vois. Et vélo notamment contre le bus qui était à l'arrière. Vraiment. Au bout d'un moment, le chauffeur de bus s'est dit on va lui donner une petite leçon. Hein, il l'a pas écrasé, mais il lui a écrasé la roue arrière, ce qui fait que le mec est rentré à pied. Voilà, il l'avait mauvaise, il a gueulé contre le conducteur attends, de route. C'est bon, quoi, le bus. Bah oui, non, mais il a raison, évidemment qu'il a raison. Techniquement, c'est vrai que c'est bien de pas écraser les gens. Après, t'as pas à avoir peur d'un vélo si t'es dans une Clio. Dis-toi que t'es. Ça peut abîmer le choc. C'est un insecte hein comparé à un pied, en comparé à une botte. Non mais en soi, je m'en fous, mais déjà, il était sur sa roue arrière. C'est pas grave, tu écrases quand non, même. Mais c'est pour faire fou. Des économies de pneus. Non, mais je m'en fous de base. Mais je veux dire, il me fait cette peur. Moi, je prends peur, je mets un coup de. C'est vrai que c'est un comportement inapproprié. Oui, c'est moi qui dis ça. Il fait un stage à la sécurité routière. On sent Anaïs. On sent Anaïs un peu tendue, donc oui. on va t'es jouer. T'es tendue comme une grande, ouais. Anaïs. T'es tendue. Juste la. Dickeneck. Oui, exactement. On passe à la suite. La suite. Alors la suite ce soir, parce que vous le savez, hein, si vous êtes fidèle de cette émission, si vous écoutez Indestar et Actu Solide, que toutes les semaines il y a une enquête. Voilà. Et moi, on gagne souvent. Vous êtes missionné de quoi, tu dis ? On gagne souvent. D'ailleurs. Souvent, vous gagnez. Une fois, on l'a raté. Je crois qu'il y a un bateau qui est. Aïe, aïe, aïe, il y a un bateau qui est explosé quand même. C'est à part ça, tout va bien. Il y a un truc à gagner ? Alors, il y a tout la simplement fierté. La fierté de ah. gagner. Et puis de sauver des gens, tu vois, un peu. Enfin, c'est quand même c'est hyper nul. Important. On peut pas tuer, nul. C'est nul, c'est nul. Je vais être de l'autre côté la prochaine fois. Alors, cette semaine, on m'a appelé. Et vous allez être content parce que vous partez aux United States of America. Eh oui, encore. Oh. Je vous paye des billets comme ça. Bon, par contre, vous allez être un peu moins content parce que vous allez passer une soirée avec des rats. C'est sympa, les rats. T'aimes bien les rats ? Bon, bah tant mieux. Alors, je vous explique. En fait, il y a la. J'espère que notre mission va pas être ratée. Pardon. Moi, je vois sur sa feuille qu'il y a écrit RAS. Rien à signaler. RAS. Ouais, il a pas mis un T. Ah, pardon. Non, c'est vrai que j'ai pas mis de T. le boulet. Alors, je vous explique. La mairie de Idiotville m'a appelé. C'est dans l'Oregon. C'est pas très anglais. Bah, Idiotville, non, c'est américain. C'est Idiotville. Ah oui, merde. ça fait déjà plusieurs semaines qu'ils sont envahis de rats. Pourtant, il y en avait très peu avant, mais là, ils remontent de partout, hein, dans les canalisations, ils sont dans les jardins, dans les écoles, dans les maisons. C'est ce que je peux lire dans le rapport qu'ils m'ont envoyé. Voilà, non, merci. En vrai, ils sont désemparés, c'est pour ça qu'ils vous ont appelé, enfin qu'ils nous ont appelé, et je leur ai promis qu'en tant qu'équipe de radio, vous serez rapide, hein, parce que c'est l'émission dure 2 heures. Donc je vous ai pris des cages en soute pour aller en Amérique parce que c'était moins cher. Et moi je dis let's go les amis, rapportez-moi la solution. Rapportez-moi. Oui. On va pas les rater. Vous êtes partants ? On est partants. Ouais. Oui. Allez c'est parti. On est un peu au ralenti mais ça devrait le faire. Cherchons tous les toutes les vannes qu'on peut faire avec des rats. Et les gars, je sais pas vous, mais moi je trouve que ça a l'air sympa, Idiotville. Plus perso, il y a pas mal d'art, j'aime bien. C'est vrai. C'est normal que ce soit sympa pour toi, Anaïs, hein. Ça te représente bien, hein. Mais il y a marqué quoi sur le papier là que Théo nous a donné ? Allez voir Brandon, le maire d'Idiotville. Tu sais, le maire dans une mairie. Il y a trop, il y a 10 fautes dans une phrase. C'est ici. C'est ici. Ah ouais ? Oui, c'est là. Bonjour monsieur, vous êtes le maire ? Oh, yeah. Je ne suis pas le maire. Moi, je suis le traducteur du maire. Ah oui, parce qu'il parle pas français. Ah, ça va être sympa. En fait, il parle rien, vous allez voir. Je vous accompagne dans son bureau. Ah, il est... Monsieur le maire, vous invitez l'équipe d'Actu Solide que vous adorez écouter. Nye, nye, nye. Ah non, oui, okay. Il est teubé. Alors là, il vous dit bonjour. Nye, nye, nye, nye, nye, nye. Là, il dit qu'il y a des rats partout dans la ville et qu'il faut le sauver. Nye, nye. On peut rien faire contre ça. Les rats, ok, mais... Nye. Ah, il aimerait bien prendre un selfie avec vous aussi. Est-ce qu'il a compris non ? Là, il se dit que vous vous moquez de lui. Vous voulez bien prendre un selfie avec vous, avec lui, pardon ? Allez, c'est parti. Oiseau va sortir. Merci, monsieur le maire. Bon, excusez-le, il est élu ici depuis 25 ans. Certains aimeraient bien... On change un petit peu de maire, mais il y a très peu de gens qui arrivent à trouver le bureau de vote, donc c'est compliqué, vous savez, les gens ici... Ça traduit une volonté personnelle ? C'est Idiotville, quoi. Bon, je vous donne une liste de tous les contacts que vous pourrez trouver ici. Vous étonnerez pas, ils sont tous plus ou moins comme le maire. Hein. Okay. Par contre, ils sont adorables. Hein. Et vous avez grand fan club ici. Hein. Tout le monde écoute Actu Solite et notamment Questions pour un concours. Hein. Ah, c'est parfait. Je ça, c'est cool. Non, bah voilà notre petite mission de ce soir, savoir pourquoi cette ville est envahie de rats. Ouais. Encore une bien belle mission pour nos amis d'Actu Solide, n'est-ce pas ? C'est encore un truc sympa, ça. Ouais, ça va déraper. Pas. Peut-être. Non, mais tu as vu ou pas, il a fait un jeu de mots adorable. Oui. Et ça m'a même pas rendu compte. Je fais des jeux de mots naturellement. Ah bah, c'est je suis ça. Un peu trop fort. Sa vie est un jeu de mots. Est-ce qu'on peut avoir un petit bête assez sympathique, là ? Ouais, parce que là, on est toujours dans la mairie. Ouais. Là. Autant pour moi. Ah, voilà. Fallait le dire qu'on partait. Et en plus, Nye. On dirait Théo, punaise. Comment ça, Théo ? Mais parce que des fois, tu nous sors des Nye. Surtout quand il mange. Genre, des fois, quand il mange, il est là. Mais moquez-vous ! Non, mais la dernière fois, on a mangé chez lui, j'étais morte de rire, tu te souviens ? Oui. Parce qu'en fait, il a tendance à faire. Non, genre, il mange et puis il te regarde et puis il fait. Bah oui, mais parce que j'ai un orgasme. Justement. Mais non, attends. Teddy, t'es en train de manger, d'accord ? Ouais. Elle te parle. Tu manges mais ouais. Ouais, bah oui, forcément. Ah tu non, moi je parle la bouche ouverte, hein. Oui. On bat les couilles. Genre, pas la bouche pleine. Poli, moi. Non, mais, pas ouais, moi. Mais tu le fais tout le temps. Genre, on va te parler au début, t'auras rien dans la bouche, puis tu vas manger un truc et. Oui, sauf que là, on va pas parler, là, on va chanter. Pardon. Ah oui, c'est le voilà. Moment où on chante. Enfin, voilà. L'un des moments où on chante. Hein. Oui, oui, oui, il y en a un peu tout le temps. Hein. Alors attendez. Ah oui, on attend. Je suis prête. Veuillez patienter. Le chant des migraines, et un aspirine. Non, on avait dit deux. Bon, c'est pas grave, blague de merde. Moi, je me suis dit, tiens, je vais faire une petite entrée à la moitière et tout. Entrée c'est bien, c'est bien. Chant des migraines, c'est quoi, Amel, Anaïs? Alors, non, mais Amel aussi. Proposer... Non, moi, c'est pas ma rubrique, j'en ai déjà assez. Hein. Je vais vous proposer un mot et vous allez devoir me chanter une chanson qui contient ce mot-là. D'accord. Oh putain. La dernière fois que je suis venu, c'était une catastrophe. Dernière fois que t'es venu, t'as perdu. Mais là, ouais. C'est pire parce que c'est des musiques qui sont juste en anglais, quoi. C'est bien, c'est oh bien non en anglais. Moi aussi, c'est bien. À faire du yogourt. C'est du kinvé en anglais. Siècle mélangé. Hein. Alors, de quelle décennie il y en a pas particulièrement. Mélangé et tout. Ok. Mais la plupart des mots, c'est ce qui se trouve dans un titre de chanson. C'est ça, je vais. Oui, oui, oui, d'accord. Ok, je suis prêt. Ok, je vous propose le mot goodbye. Goodbye, goodbye Night City. Merde. Goodbye my lover. Il y en a plein en vrai. Mais c'est vrai que goodbye de Goodbye Night City. C'est quoi ça? C'est dans un jeu vidéo. C'est une... bah, non, de moi. C'est dans Cyberpunk. Non mais oui sinon c'était James Or, Blunt. Pour l'inverse c'est Goodbye my lover en première. Hein, mais pas... Oui, oui. Non mais bravo Amel, j'y étais pas. Je t'en prie. Alors là ça va gueuler dans si vous les connaissez quoi. Alors. J'arrive pas à parler. Le mot million. This is the million eyes to the quick week. C'est quoi cette merde? C'est Loïc Noted. Connais pas. Connais pas. Je vais pas chanter parce que c'est grave dans le. Ah, il y avait Lady Gaga aussi. Alors, j'ai pas eu la ref. One and a million. On peut en inventer du coup parce que c'était 1 million, je crois le ouais, titre. Ouais, bah tu l'as inventé pas. Non, je l'ai pas inventé. Allez, sois pas de mauvaise foi. Mais bon, t'as chanté avant. Les gars. Oui. Fille. Oui. Uncover. C'est quoi ces trucs là? Assis Rihanna uncover, c'est ça? Non. Ah, peut-être qu'il y a une chose. Non. Avec ça, mais... Lady Gaga et l'autre gars. Ah, Bradley Cooper, non. C'est oui. Une fille. Katy Perry. C'est Zara Larsson. Ah oui, je connais. C'est une blonde, elle est jolie. C'est quoi déjà la musique? Je connais Zara Larsson, fait... mais je connais pas une cover. En gros, ça fait Nobody sees. Ah, nobody knows. We are the secret. Can you explode? Ouais, je connais. Ouais, j'ai déjà entendu. Ouais. Mais je le vois pas le mot. Mais t'as que des trucs récents comme ça? Sous le titre de la c'est pas récent. C'est pas ça au moins 5-6 ans. Oui, bah voilà, c'est récent. Celle-là, elle a encore plus. Merde. Perfect. Perfect Time de non, je ne sais non, pas qui. Ed Sheeran oui. Mais... Ah putain. C'est quoi Ed Sheeran Perfect? Ah putain. Ah je l'ai plus ah, là ma mère elle me l'a fait bouffer. Mais Perfect Time c'est le titre d'une musique hein. Mais non, ouais, non, mais non. Faut me la chanter. Je sais plus où c'est. Je vais chercher ça. Ouais bah il a l'air. Ouais. Oh l'accent. Ça marche hein. Un point. Mais j'ai perdu quand même. Et c'est que des en anglais là. Ouais. Oui, bah je l'ai dit, c'est spécial anglais. Ok. Et dernier mot, one. Two. One, two, three. Ne sais pas quelle acte. Non, je dis de YouTube, one. Moi j'essaie de Alicia Keys. Sure. Alicia Keys. Elle a perdu ses clés. No one. No one. Oui, oui, ça marche aussi. C'est vrai ça. Mais il y a le titre de YouTube qui s'appelle One aussi. Ouais, mais faut pas le chanter. Bah si. Mais je l'ai plus. Moi je me suis juste pris une chanson au cas où vous la trouvez pas. Ouais, non, non, mais bien. Bah ouais, j'étais pas au taquet là ce soir. 3 points par ouais. Il y a des fois j'avoue, on est j'avoue, une histoire à contester. Ça arrive. Ouais, non, j'étais mauvais, j'avoue. J'étais vous mauvais, ai foutu une tôle. Oh, je m'y attendais un petit peu, vous je t'avoue. Vous couchez avec moi. J'essaie de alors, c'est parce que non. T'es en manque. Ouais. C'est ça. Non, par contre, on a de la musique sur Indestar. Toutes les femmes. On va goûter Romain Gâteau. Oui. C'est celle-là ou pas? Oui, tu sais, les L5. Oui. T'es long quand c'est dernier show. Et juste après, c'est pas ton idéal. Question pour un concon. Te propose un 100 mois de mon piédestal. De 21h à 23h sur Indestar. Ça, c'est n'est voyé que toi. Car tu m'as frappé en plein cœur. Oh, c'est mignon. Je ne rêve qu'une seule chose, faire ton bonheur. pour nous, je donnerai tout. Parce que tu es la seule qui me fait voyager. Laisse-moi t'en venir, car le reste de mon temps, je veux le passer avec toi. Je comprends rien de ce qu'il dit. Hein. Alors, bon, il dit qu'il l'aime, quoi. Un truc d'amour. Ouais, il y a de l'amour dans l'air. Hein. Par contre, elle s'est enfuie en courant. Hein. Ah ouais, tu fais une déclat comme ça, je me casse. Hein. C'est l'intention qui ouais, compte. Voilà, c'est mignon, on va dire. Et le gars, il doit être puceau depuis sa naissance, hein, à ce rythme-là. C'est normal quand on est... Quand on est, en principe, on est puceau. Oui, mais il doit être puceau depuis sa naissance. Ah, tu veux dire qu'il n'est pas... Non, généralement, à la naissance, t'es... Ouais. Ouais, on est d'accord. Mais vous comprenez pas ce que je dis. Si, on a compris, mais c'était pas logique. Bon, soit, hein, parce qu'elle est un peu chiante. Ouais. Bah, vous avez... Oui, t'as arrêté de me couper la parole. Autant pour moi. Vous avez compris, vous êtes bien sûr... Indestar. Oups. Sur ActuSolite. Non, on est non. Sur ActuSolite. Non, on est sur Indestar. Non, ActuSolite. Ah, bah, s'il te plaît. Normalement, c'est vous êtes. Qu'est-ce que je dis normalement? Je sais pas. Vous êtes. Ah oui, vous écoutez. Ah, ActuSolite, bah voilà. Sur Indestar. De 21h à 23h. Comme tous les mercredis soirs. Voilà. À peu près. Ok. Bon, là, j'accepte. C'est bon, t'es content? Je suis content. Et on a oublié de vous en parler, mais bien sûr, cette semaine. Oui. Oh, j'ai appuyé sur quelque chose. J'appuie sur. Bah, c'est pas grave. Bien sûr, cette semaine, ouais. On est généreux. Ah bon? Parce que les autres semaines, non. Hein. Non, bah les autres semaines, on est un peu radin. Mais là, on s'est dit, allez, on va faire plaisir, c'est bientôt l'été, on fait plaisir. Ça on fait claquer le porte-monnaie. Ouais, cher. Exactement. Donc, vas-y, qu'on te donne des trucs comme ça, donne des trucs comme ça. Vas-y, raffoule. Elle vend sous le manteau, là, Amel. Ouais. Arrête, ça fait rêver ou pas? Bah, comme ça, je sais même pas ce qu'on gagne, mais. J'ai 2-3 kilos de farine, mais si attends, tu veux. Vas-y, j'ai des trucs à te donner. J'ai de la francine, j'ai de la maïzena. Pardon. Et du coup, cette semaine, on vous offre des places pour la pagode de pas de la farine. Une place pour la pagode de Chanteloup à Amboise, oui. Dans le 37. C'est quoi la pagode de Chanteloup? Eh ben, c'est un monument historique. Ouais, c'est une sorte de tour. Ouais, c'est sympa en vrai. On y est déjà allé. Oui. Oui, cherche tes mots français. Please. Non, mais c'est vrai que si vous venez vers Amboise, centre Val de Loire, vous avez le château d'Amboise, évidemment, il est bien connu. Vous avez Clos Lucé avec Léonard de Vinci, mais il y a aussi la pagode de Chanteloup qui est sympa. Et il y a aussi le parc magnifique et son jardin chinois. Exactement. Oui, parce que la pagode faisait partie du jardin du château. Ouais. Immense. Alors, pas le château d'Amboise, hein, c'était un autre château. Bah oui, tu découvres maintenant. Non, y avait on va lui offrir des places aussi à Teddy là. Il y avait un château à côté de la pagode, parce que la pagode c'est le monument, mais il y avait un autre château qui a été détruit pendant la Révolution française parce que pas content, tu vois, voilà. Ah ouais, donc il reste plus ça, que ouais. La pagode. Tu croyais que c'était le château d'Amboise? Bah ouais. Ça fait un peu loin du château d'Amboise. Bah, c'est un grand jardin. Ouais. Un grand jardin que tu mettais une heure à traverser. Non, c'était un autre qui était le château du duc de Choiseul. Merci Père Castor. Voilà. Je peux continuer parce que bah oui, peut-être mais... qu'ils nous écoutent et qu'ils nous disent mais ta gueule, on veut savoir comment on fait pour gagner ses places. Bah oui, bien c'est sûr, pas faux. On veut savoir comment on fait, hein, pour gagner et ses c'est places. C'est pas faux. Bah oui, rien de plus simple. Vous allez sur la page Facebook Indestar. Ah, yes. Vous répondez à la question qu'on vous pose en commentaire. Bah ouais. Vous répondez à la question. C'est quoi cette question? Elle est dure? Non, généralement, c'est pas combien de marches. Si, c'est ça. Combien de marches y a-t-il ah, pour oui, aller faut-il au dernier étage? Pour grimper jusqu'au dernier étage de la pagode. Moi je sais, mais on m'a dit que j'avais pas le droit de participer. Bah non, 42. 42 je crois, ouais. Et il me semble qu'on a un gagnant ce soir. Bah oui, donc tirage au sort toute la semaine. Et bien évidemment il y a plusieurs places à gagner, hein. C'est pas parce qu'on tire une ou l'un d'entre vous ce soir que vous serez les seuls à gagner. Qu'on tire. Ouais, qu'on tire au sort, pardon, ouais, ça va, ouais. T'as compris. Il en manque pas aussi des mots. Oh. La tirage au sort du soir, c'est François qu'on va appeler. Alors attention, parce qu'on appelle François, s'il répond, on lui offre ses places, des deux places. S'il répond pas, je les s'il garde. S'il répond pas, tant pis, on les garde, hein. Ça sera à rejouer, bon. Ouais, on peut y aller, on peut appeler François. Allons-y. C'est en cours d'appelage. Ah, appelage, ouais, on est en plein appelage. Faut déjà que, alors déjà qu'il décroche, qu'ensuite qu'il comprenne notre français. Oh, le stress. Bah, c'est François ah, le oui, français. Tu m'étonnes. Oui, allô. Oui, allô François. Oula, le bruit. Ah, on gueule trop, c'est ça? Comment? On gueule de trop. Bon, présente-toi. Allez. Bon, François, c'est Indestar, c'est ActuSolite. Enchanté. Enchanté, de même. Appelle-toi. François, tu as joué cette semaine sur la page Facebook Indestar, on est d'accord? Je suis désolé, j'entends très très très très mal. Tu nous entends mal. Mets ton appareil auditif. Je disais que tu avais joué sur la page Facebook Indestar. D'accord, on est d'accord? On est d'accord. Ouais. La question était, combien y a-t-il de marches pour monter au dernier étage de la pagode? Et la réponse 149. 149 marches. Est-ce que c'est la bonne réponse, Amel? Oui, ceci est la bonne réponse. Bravo, François. Bravo, ouais. Clap, clap. François, tu repars avec tes deux places pour aller visiter la pagode et son parc, voilà, pour pouvoir profiter d'une belle après-midi ensoleillée comme on a en ce moment en Touraine. Bien sûr. Dans le parc de la pagode et visiter le monument. Est-ce que tu sais avec qui tu vas y aller? Comment? Est-ce que tu sais avec qui tu vas y aller? Une petite femme, un petit enfant? Oh oui, je pense, une petite dame. Une petite dame. Une petite dame. C'est très bien, tu l'emmènes au dernier étage de la pagode, elle va kiffer. C'est obligé. Merci François, tu rejoues quand tu veux. On t'offre ces places à venir chercher à la radio. Et merci d'avoir joué et merci d'écouter Indestar. Ouais, je vous remercie à tous et à l'équipe. À plus tard François. Salut, très bonne soirée. Ciao, ciao. Merci à vous, merci à vous. Bisous. Donc vous l'avez compris, hein, Indestar, toute la semaine, on vous offre ses places, vous continuez de jouer sur la page Facebook Indestar. J'ai eu trop d'enthousiasme au début et je crois que je l'ai fait paniquer. Non, j'entends rien, j'entends rien. Il s'est dit, mais quelle est cette équipe? Vous êtes sûr de me vouloir au téléphone? Il n'avait pas l'air tout jeune, François. Non, mais faut pas critiquer les gens comme ça, parce qu'il s'appelle François. Mais je critique tout le monde, mais oui. Ouais. Et j'ai voulu lui demander, par contre tu m'as pas laissé le temps de parler, je voulais lui demander une petite photo. De quoi? Ah, de la pagode, je croyais oui. Parce que de lui. De lui avec les places gagnées à la pagode. Ah, bah on aurait pu, ouh, effectivement. Pu être François, si tu nous écoutes, envoie les photos, mais tu nous écoutes peut-être pas. Non, c'est bon, évidemment, il est parti. Il a gagné les places, il s'est gagné. Plus rien à faire. Et il y en a d'autres à gagner? Bien sûr. Qu'est-ce que j'ai dit au début? De quoi? Mais si, tu as dit qu'on t'en faisait gagner toute la semaine. Bon, bah alors, est-ce qu'il y en a d'autres à gagner? La réponse est oui. Bah d'ailleurs, on peut rappeler. Donc, il y a une autre question sur Facebook. Non, pas d'autres questions, la même question. Donc si vous avez écouté ce soir, bah, retirage au sort cette semaine. C'est très facile. Mais on n'a pas dit que c'était difficile non plus, hein. C'est Actu Solide en bon, même temps. Allez, je vous aide, 149, c'est vraiment, je suis mignonne, 149, je vous aide. Voilà, on vous donne la réponse. Et François m'a donné la réponse. Un peu loin des 42 ou 42 du début. Ouais, hein. Bah oui, mais on le savait, nous, on le savait. Et oui, on les a non, comptés. Moi je savais pas, à la limite je voulais aller voir sur internet, tu vois. Bah tu peux mais aller voir de côté, ça. Mais tu on n'a pas le droit de jouer. Nous on n'a pas le droit. Nous on nous met de côté. Évidemment, on est toujours, tu sais, c'est comme on dit, mais c'est quoi l'expression? Les sabotiers, les voies moins bien chaussées. Pierre qui roule ne ramasse pas mousse. Non. Non, mais on s'est passé pour des concons. Bah oui. Et ça serait pas le jeu qu'on va faire maintenant? Ouais. Question pour un concon. Mesdames, messieurs, elle est drôle. Elle est sympa. Elle vous enjaille chaque semaine sur Indestar. Et elle est enrobée de questions à vous poser. Amel pour... Question pour un concon. Ah, on est tous attaqués ce soir, je vois nos candidats, ta gueule, je vois nos candidats à fond ce soir. Ce soir, c'est un jeu de drôlerie, de funitude, hein, Henri? Ouais, tout à fait, mademoiselle Amélie, c'est bien pour ça que je suis là, et pour vous, bien évidemment. Oui, ben, je me doute bien, Henri, hein, cache-cul. Eh, on a un problème de ça, Gigi. On se demande de ce qu'il fait en offre. Qui est cette demoiselle? C'est Gigi. Oh, Gigi, bah voyons. Tu sais pourquoi Gigi. Il est aussi doué pour le beatbox? Beatbox? Non. Parce qu'il manie bien sa langue. Ah mais t'étais pas là toi, tu peux pas comprendre la... Merde. Aïe. Putain, je m'adresse à la seule personne qui est pas au courant. Non mais ce soir avec nous, nous avons Gigi. Bonsoir Gigi. Bonsoir tout de même. Elle a 90 ans, belle voix pour 90 ans. C'est vrai qu'elle est bien conservée. Bah j'étais voir un chirurgien, je vous donnerai l'adresse plus tard. Pour ta voix? Et c'est une mamie en fait, vous savez pas, mais c'est une mamie super active. Elle adore passer sa soirée, ses soirées. Elle est marquée en plus, active. Elle adore passer ses soirées en boîte de nuit. Exactement. Oh, et j'ai encore pécho la semaine dernière. Ah oui, c'est ce que j'ai entendu dire. Un certain Sofiane, non? À chaque fois, elle s'explique avec des jeunes. Elle s'éclipse, pardon. Bah, mais pas un, deux, trois. La boîte de capote, elle passe en une soirée, apparemment. Bravo, Gigi. Ah bah, soit t'es en forme, soit tu l'es pas. Moi, je le suis, j'en profite. Ça entretient la forme, vous avez bien raison. Nous avons Jérôme avec nous aussi. Jérôme, ce soir, il a 41 ans. C'est ça? Bonsoir. Et il est fan de barbecue. Et oui. Ouais, j'adore le barbecue. Il manie sa merguez comme personne. Oh, si tu savais. Oh là là. J'aime bien la foutre sur le feu. Ça brûle un peu. Mais... on s'est pas croisé la semaine dernière? Ah bon? En boîte, comme ça, on sait jamais. 41. Ah, peut-être, j'ai peut-être mis ma merguez aussi. Dans Gigi. Et ce soir, au téléphone, nous avons Eddie. Eddie? Bonsoir. Oula, Eddie, vous captez mal. Lady Commandement. Allô? Oui. Ladybug? Oui, vous buguez un peu, vous avez 18 ans, c'est ça? C'est Lady Gaga? Lady Piaf? On ne l'entend plus, vous faites que parler. En même temps, il parle pas beaucoup non plus. Ça, c'est Lady Diana après le tunnel. Mais je ne l'entends pas, vous parlez à chaque fois qu'il parle. Il dit allô, hein. Il a juste dit allô, d'ailleurs. Ah, voilà. Ah, oui. Et vous avez gagné le concours épine grâce à vos lunettes de soleil qui lancent des lasers électriques alors qu'un insecte passe à côté. C'est génial. Alors par contre, je crois que oui, c'était le concours l'épine. Pas l'épine. Épine, c'est ce qu'il y a sur les ronces. À moins que ce soit un concours un petit peu moins coté. C'est possible. C'était à côté du concours de la ronce. C'était fait exprès. C'est le low cost. Le low cost. Et a gagné ce soir Henri. Oui, alors mon... Saviez-vous, mademoiselle Amélie, que j'avais un fils? Ah bon? Oui, j'ai un fils qui a cassé mon téléphone cellulaire. La semaine dernière, je l'offre donc ce téléphone cassé, mais avec pas mal de... Comment dire? De contenu. Alors, faut se méfier tout de même, hein, évidemment, parce qu'il pourrait y avoir des photos de mademoiselle Amélie à l'intérieur. Ah, c'est Amélie, hein. Ça fait un peu flipper, hein. Bon. Il a pas dit dans quel état. Ça leur fait plaisir le cadeau ce soir, Henri, hein. Vous avez bah, choisi j'ai l'impression que... Tu joues avec des merguez? Non, je joue pas avec des merguez, moi. Tous les week-ends. Attention, nous passons à la première manche. Et je vais vous poser trois questions avec trois propositions de réponses et vous avez quelques secondes pour écrire la bonne réponse sur l'ardoise. Et bien sûr, vous jouez dans Question pour un concon. Vous avez toujours un temps d'avance, mademoiselle Amélie, vous êtes formidable. Toujours. J'ai pas de faute. Jamais le temps. Bah, moi non plus. Et bien sûr, Henri, vous faites vraiment très mal votre travail, hein. On n'a plus de feutre pour écrire sur l'ardoise. C'est au quoi ? Au revoir, Henri. Non, Henri revient, il va nous... Ah, et Henri, on ne balance pas les feutres non. sur les... J'ai fait une esquive. Ouais, c'est bien. Ouais. Vous avez esquivé la gauche-droite. Ouais, j'ai l'habitude d'esquiver les merguez. Voilà. Est-ce qu'on peut passer à la première question moi, généralement, je les esquive pas, justement. Toi, tu les prends. Henri, est-ce qu'on peut passer à la première question? Bien sûr que vous pouvez passer à la première question, mademoiselle Amélie. Alors, un arbre surnommé le président est le plus vieux séquoia vivant connu dans le monde. Mais à votre avis, quel âge a-t-il? Je sais pas, je connais que le camembert président, moi. Tu connais pas le président aussi, tout court? Non. Petit A, plus de 3200 ans. Petit B, plus de 4200 ans. Petit C, plus de 5200 ans. Dans tous les cas, c'est vieux, hein. Oui. Bah, dans tous les cas, il y a un 2 déjà. Il y a un 0-0. 200, quoi. J'ai un doute. Allez. Eddie, vous dites quoi, vous? Moi, je dis plus de 5000, hein. Et toi, c'est. Alors, j'ai la réponse A, ça correspondrait à la réponse C. C, oui. Jérôme, vous êtes pas Eddie? Jérôme, C. Ah oui, c'est vrai. Gigi, vous avez A. Et Eddie, il dit quoi? A. Et oui, la bonne réponse, c'était la réponse A. Ah, pas de chance, Jérôme. Ah, vous perdez cette question. Bravo, Eddie. Bravo, Gigi. Deuxième question. Comment se nomme le petit de l'Otari? Petit Otarien. A, bébé Otari. Petit B, Otarion. Ou petit C, un chiot? Un chiot, réellement? Un chiot. C'était quoi, la B? Otarion. Ah ah. C'est Otaria, le Pokémon. Alors, on va poser la question à Eddie. Moi, je dis C. Vous dites quoi? C. C? C. Alors, Eddie dit C. Moi aussi, je dis C. C également pour Jérôme. Et Gigi dit A. Et vous aurez dit quoi, Henri? J'ai pas suivi la question. Bébé Otari. Il en a rien à foutre. Otarion ou chiot? Oh bah, j'aurais dit la B. Ça s'appelle un chiot? Eh bah, c'est la C. C'est un chiot? Oui, oui, ça s'appelle un chiot. D'accord, bah bravo. Fallait le savoir. Ah, donc j'ai bon? En fait, quand je dis ça trouve un chiot, ça trouve. La pote. Elle a triché. Gigi a triché. Non, mais ça trouve quand je vous dis que j'ai un chiot, en fait, j'ai un otari chez moi. Mais c'est possible, hein? Une otari. Ouais. T'as une otari chez toi? Pourquoi appeler de la même façon un chiot d'un chien et un chiot d'une otari? Mais c'est un chiot santé. Non, je déconne, j'en sais rien, hein. Je m'en fous de l'orthographe. Non, mais ça aurait pu faire la différence, bien sûr. Pour l'instant, on a combien? Eh bien, pour l'instant, il y a 2 points pour Eddie, 1 point pour Jérôme et 1 point pour Gigi. Gigi. Donc, est-ce que la troisième question va départager nos candidats? Exactement, Gigi et Jérôme en tous les cas. Troisième question. Sur quelle matière est fait... Oh putain, j'ai bugué. Sur quelle matière est fait un pinceau en poil de chameau? Petit A, en poil de chameau. Petit B, ouais, en fourrure d'écureuil. Ou petit C, en synthétique, tout simplement. Mais attends, est-ce que c'est un piège ou pas? Y a-t-il un piège? Y a-t-il pas de piège? Y a-t-il un piège? Allez, moi je suis con, je tombe dedans. Alors, en poil de chameau pour du poil de chameau, c'est la réponse que vous donnez. En synthétique pour Jérôme. Et pour Eddy, vous dites? Comme un merguez, c'est synthétique. Mais arrêtez de couper, j'ai Eddie à chaque fois. Oui, chef. Alors, Eddie, il dit quoi? C. C. Eh ben non, C'était la réponse B, enfourir d'écureuil. Donc aucun point. Comment ça, tour équipe. Et ben imagine, tu as un chiot en qui peint avec une fourrure d'écureuil. Ben en fait, c'est un bébé otari qui peint avec une poêle de chameau. C'est pas tout. C'est tout à fait logique, évidemment, cette histoire. Ah ouais. Et voilà, pourquoi est-ce que t'appelles ça poêle de chameau si c'est des écureuils? Pourquoi tu retournes des écureuils surtout? Pourquoi dirait-on chiot pour des otaries également? T'imagines le nombre d'écureuils que tu dois faire griller pour un... les gars, je suis perdu, on se pose trop de questions là d'un coup. Et bien sûr, nous avons qu'un vainqueur. Bah pour le moment, nous avons qu'une seule personne en seconde manche qui est un petit peu juge, donc nous allons départager Jérôme et Gigi dans un instant, une fois que Mademoiselle Amélie aura trouvé une nouvelle question à vous poser. Oui, mais ils me font chier parce que moi, c'est mes questions d'avance. Je j'avais rappelle, pas un point de plus. Bien entendu, en attendant que vous pouvez jouer par Minitel, 36-15 questions pour un concon, pardon, 1,29€ plus prix d'un SMS. Question numéro 4. Quel est le prénom du roi Georges V1? V1, c'est sur le 6. Georges 6. Petit A, Ghislain. Petit B, Albert. Petit C, Georges. Est-ce qu'elle s'est encore piège? Y a-t-il un piège dans la question? Quelle est la couleur du cheval blanc d'Henri IV? Donc, nous avons du C. Et pour vous, Jérôme? Il a du C également. Ah ouais, Georges 6. Il s'appelle Albert. Eddie, vous dites quoi? Ouais, mais arrêtez de l'appeler Georges aussi. Eddie joue pas. Non, mais Eddie peut jouer. Eddie. Eddie, il dit quoi? Merguez. Bon, on l'entend plus, Eddie. Tant pis. Eddie quoi, toi? Eddie qu'il est pas là. Hein. Ah. Ah, il dit ah. Alors. Il a pas compris, c'est juste cogné le doigt de pied. Hein. Quelle était la bonne réponse? Eh ben, c'était la B, c'était Albert. Oh là là là là là, ah là, décidément. Question numéro 5. Oui, on s'arrête à la question numéro 6. S'il trouve pas, c'est un Shifumi. Hein. Ok. On se fait pas chier. Hein. Très bien, Mademoiselle Amélie. C'est vous qui décidez, Mademoiselle Amélie, de toute façon. Alors, cas de particulier, la rue des Degrés à Paris, dans le 2e arrondissement. Il fait très chaud. Petit A, elle n'a que... Ah, putain. Elle n'a que des... Elle n'a que des numéros pairs. C'est une... c'est l'une des rues les plus froides de la ville. Ou c'est la rue la plus courte de la capitale. Ah, les trois, elles sont tentantes, je sais pas, moi. Degrés. Allez. Moi je la connais, on en a parlé. À votre avis, alors j'ai la réponse. Dans une émission du vendredi. B pour Gigi. Oh, c'est pour ça que je sais pas, je vous écoute pas. Eddie, vous dites quoi? Ça va te faire. La c'est réponse. La C, c'est la plus courte. C. On en a déjà parlé. Pour Jérôme. Ouais, dans une émission du vendredi, une spéciale. Et Eddie disait quoi? Il disait on s'en fout. Alors, quelle était la bonne réponse? Eh bah, ben, c'est la rue la plus courte de donc, la capitale. Donc j'ai gagné. Je t'ai fumé, Gigi. Prends ma merguez. Mais non, mais bien sûr que non. C'est, bah, tu vois quoi sur mon ardoise? Mais elle l'a changé son ardoise. Il se fait avoir. C'est bien entendu Jérôme et Eddie, vous allez en deuxième manche. Ça se joue évidemment entre couilles. Quant à vous, Gigi, vous repartez. Brocouille. Bonne soirée chez vous. Merci. Donc là, ça se joue entre couilles. Entre merguez. C'est ça. Entre merguez. Et là, il ne me reste que deux concons cette fois-ci. Trois questions, mais vous n'avez pas de proposition de réponse. C'est à vous de buzzer le plus vite possible pour me donner la bonne réponse. Je peux retourner mes côtelettes? Et vous jouez dans question d'un concon. Tu l'aurais eu. Mais ouais, dégoûté. Est-ce que vous êtes prêts, Eddie? Oui. Oui. Ok. Question numéro 1. Attendez, faut peut-être que je donne le fameux buzzer correspond à... Moi, j'étais déjà partie très loin. Bah oui, parce qu'évidemment, avant de donner la réponse, il faut buzzer. Alors, monsieur Eddy, pour avant de donner votre réponse, vous ferez « Allô !» Parce qu'on vous entend très mal, d'accord? Très bien. Quant à vous, Eddy, vous ferez... Je suis pas Eddy, moi. Je suis Jérôme. Quant à vous, Jérôme, vous ferez... Barbecue. Je joue avec mes marques. Bon, alors allez-y avec barbecue. Barbecue et hello! Faut que ça soit prononcé de cette façon-là, sinon attention, vous ne l'avez pas. Hein. C'est oui, parti. Chef. Alors, question numéro 1. Il faut 3 minutes pour cuire un œuf à la coque. Combien de temps faut-il pour en cuire 2? Barbecue! Oui. 3 minutes! Bravo! Bravo, monsieur! Je suis pas trop con. Hein. Question numéro 2. Fait beaucoup, barbecue. Épelez-moi le mot diarrhée. Barbecue! Oui. D. I. A. H. Non, bip. Tiens. Aïe, aïe. Ah non, je me suis trompé. Vous pouvez prendre la main. Barbecue dire. Ah, c'est trop tard. D. I. A. Trop tard, c'est. R. Comment ça, trop tard? Oui, D. D. A. H. E. E. Non. Mais il a refait la même faute? Mais non. Non, mais c'est pas ça. Ah. Barbecue. Oh, t'as pu laisser une chance, non? D-I-A R R E E. Il est où le H, putain de merde? Barbecue. Attends, on va peut-être laisser Eddie vouloir il a rien dit, il va se faire faute. Mais il y a peut-être un temps de latence. Eddie, vous pouvez intervenir, hein, sachez-le, hein. Barbecue. C'est très mauvais en français, je sais pas. D-H-I-A. Mais non. Barbecue. D-I-A-R-H-E. Non. C'est comme ça que je l'aurais écrit. Barbecue. D-I-A-2-R-H-E. Oui. On va pas les essouffler. Oh oui. Merci. Merci Gigi, t'auras droit à un coup de merguez. Un coup de merguez. Bah du coup, il y a 2 R, j'en veux dire. Ça a été dur, Henri, hein. Alors, oui, mais alors par contre, je pense que bah avec 2 points, Jérôme, vous passez forcément à la 3ème manche. Quant à vous, Eddie, eh bien vous rentrez brocouille à la maison. Mais on peut quand même avoir la 3ème question. Non, pour ça le m'en fun, laisse, non, si ça m'en laisse une pour la semaine prochaine. Bah, laissons-la pour la semaine prochaine à ce moment-là. Au revoir Eddy, merci d'avoir joué et d'avoir très peu participé. À bientôt. Je pas contre, tu l'entends le au revoir là. 3ème manche. Ça arrive. Alors Jérôme, pour gagner ce magnifique cadeau, tu auras seulement 30 secondes pour trouver le mot qui se cache derrière cette charade. Oh, ça me laisse le temps de retourner mes andouillettes. Oui, et vous jouez pour question pour un con-con. Et sachez que vous jouez surtout pour gagner un téléphone qui ne fonctionne plus, mais qui a appartenu au régisseur de question pour un con-con, ce qui n'est pas rien, avec que de souvenirs à l'intérieur. Et sans le vouloir, Henri, vous allez comprendre ce que Théo, son jeu de mots. Vous allez comprendre. Même vous allez comprendre si vous avez suivi dès le matin. Si vous avez suivi dès le début. Vous êtes prêts? Combien de secondes? Faut que je réponde, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. En 30 secondes, ok. Oui. Mon premier est un animal qui mange des souris. Mon deuxième est un animal qui vit dans les égouts. Mon troisième est un chiffre entre 1 et 5. Charade! Bravo! Bah oui, bravo, évidemment! Et sans le vouloir, nous avons le mot rat. Exactement, le mot rat qui correspond bien entendu, je crois, dans l'équipe d'Actu Solide qui suivra à l'enquête que doivent résoudre les Actu Solide. C'est bien ça? C'est bien ça. Mais vous suivez, mais je suis, mademoiselle Amélie, évidemment, je suis la suite des programmes de cette magnifique radio qui est. Comment elle s'appelle déjà? Actu Solide. Indestar. Ah. Ouais. Je fais la promo que pour Actu Solide. Et bien sûr, Henri, on remercie nos candidats d'avoir participé à cette émission. Bien entendu. Et quant à nous, Henri, on ne se lâche pas comme ça. On se retrouve la semaine prochaine avec de nouveaux candidats et de nouvelles questions dans Question pour un. Concon, on ne se lâche pas, mademoiselle Amélie. Mais non, on se retrouve la semaine prochaine. Ne pleurez pas, vous allez bientôt me retrouver. Juste après. Alors, on recontinue notre enquête. Ah bah on va commencer. Savoir. Vous allez commencer votre enquête. Vous l'avez pas commencé encore. Oui, mais on la continue parce qu'on sait maintenant de quoi il s'agit. Exactement. Vous avez le synopsis. Vous êtes à New York. Non, pas New York. Vous êtes aux États-Unis. Vous êtes à Idiotville. C'est un petit peu moins sympa que New York peut-être. Et il y a plein de rats. Et il y a plein de rats. Et alors ça c'est comme à New York, comme à Paris, comme dans plein de villes. Oui, sauf que là ils sont vraiment envahis de rats. Et faut savoir pourquoi ils sont envahis de rats. Ils comptent sur vous évidemment parce qu'on s'est dit il y a rien de mieux qu'Actu Solide pour savoir pourquoi il y a des rats dans une ville. Hein. Mais en attendant. On écoute Jorm. C'est ça, un Jorm, hein. Let's go skiing. Skiing. Skiing. Ça veut dire quoi, Jorm au ski? Actu Solite, le défouloir d'Indestar, c'est ça. La voiture elle allait super vite et papa il s'est agrippé. Mais on a cassé un grillage qui allait dans l'enclos du tyrannosaure. Moi je m'en suis cassé son siège. Mais maman et papa ils étaient trop gros pour casser son siège. Alors le dinosaure il avait rudement faim. Il a mangé papa et maman. Et maintenant moi je suis tout seul. Actu Solite, tous les mercredis soirs dès 21h sur Indestar. Mais non, vous êtes pas tout seul. Vous êtes avec nous, vous êtes avec l'équipe d'Actu Solite. Et nous on ne bouge pas. On ne bougera pas. On s'est pas bouffé par des tyrannos. Enfin, j'ai cru à la caméra que Anaïs avait bugué, mais non, en fait, elle s'est juste concentrée. Si vous êtes sur Twitch, vous avez cliqué sur le petit bouton violet sur le site indestar.fr, vous avez vu, l'image s'est figée sur Anaïs. T'étais concentrée, c'est ça? C'est pas l'image qui s'est fixée sur Anaïs, c'est Anaïs qui était figée sur l'image. Ouais, elle était figée toute seule. Non, elle était juste con. Pas besoin d'être entrée. Il y a peut-être un peu des deux aussi. Ce soir, je ne... Nye. Tu bugs ce soir. On fait quoi? On fait quoi ce soir? Oui, on en est dans Actu Solide sur Indestar le mercredi soir. Il se passe quoi? Comme d'habitude. Comme d'habitude. C'est-à-dire? Je suis là, central. C'est-à-dire? On s'amuse, oui. Mm-hmm. On délire, mm-hmm. On dit des gros mots. Mm-hmm. Ouais, dans 7 ouais. minutes, on va pouvoir parler de cul parce qu'il sera 22h. Encore 2 minutes et 40 secondes. Exactement. C'est quoi ce rire de psychopathe? Ouais. Ah, tu fais flipper! Je sais, c'est ma nature. Même Teddy a peur à côté de toi. Il est en grave manque. Il est en grave manque. Oh putain, et on parle de la France ce soir. Hein, et Ah, mais ça, c'est comme d'hab. Hein. Donc ce soir. Oui, une enquête. Attends. Pardon. Je voulais quand même vous rappeler que sur Facebook Indestar, nous faisons gagner des places pour la pagode. Deux places, parce qu'il en faut aussi pour tout le monde. Oui, parce que vous pouvez y aller comme ça avec la personne de votre choix aussi. C'est ça. Un petit repas, on peut manger là-bas. Tu peux manger là-bas. Ouais. Oui, on peut pas dans la pagode, mais. On peut pique-niquer dans les jardins. Sans problème, il y a même des tables, il y a tout ce qu'il faut. Ah, mais c'est génial! Il y a de la pelouse, il y a des tables, c'est génial! Et si je demande à mon mec de les faire gagner pour moi et que je dis pas que c'est moi? Bah, techniquement, il peut jouer, il peut jouer. Après, il faut qu'il soit tiré au sort. Il y a un tirage au sort, glaglaglaglaglagla, et boum, on tire au sort. Et le problème, c'est que nous, on va le savoir. Peut-être qu'on va s'en apercevoir. Je le fais passer pour quelqu'un d'autre. Comment qu'il s'appelle déjà? Non, je vais pas le dire. Ça peut pas Xavier à chaque fois. Non, c'est pas c'est mon père. C'est papa. Bon, déjà, on peut pas faire passer par papa du coup. Non mais on voit Xavier. N'importe quel Xavier. Si vous appelez Xavier, c'est mort. Ah, vous avez perdu. Tout ça pour vous dire qu'on a une question. Et la question est: combien faut-il de marches pour. Combien faut-il monter de marches pour grimper jusqu'au dernier étage de la pagode? Ça va être long. Voilà. Vous cherchez la réponse Wikipédia, vous l'avez. 149. Vous avez 149. Ah, pas... Non, mais on peut en rajouter une parce qu'elle seule aussi. Ah, 150, ça marche. Ouais. Ne dites pas tout. Bah, mais... trop tard là. Je crois que c'est un peu râpé. Un peu râpé. Non, j'ai même pas fait de vanne. Hein. Vraiment. Râpé. Ouais, non, vraiment. Rien à voir avec notre enquête du voilà, soir. Qui pourtant est une bien belle enquête qui parle de rats. Vous êtes aux États-Unis ce soir. C'est quoi? C'est un rat? C'est un rat. Ah, d'accord. Non, ça c'est quelqu'un qui appelle un rat. Pourquoi on fait pas appel à... C'est quoi ça? Celui-là là qui fait mais de la flûte. Mais Conas, c'est pour les cobras. Mais non, la flûte et les rats... C'est les serpents. Mais c'est pour les mais cobras. Non, il y a... Bah, les serpents fait, là. La flûte de je sais pas quoi, la flûte de pan, non c'est pas ça. La je sais pas ce que t'as vu. Mais si, c'est même un livre où je sais plus quoi, j'ai vu. J'ai lu Charmeuse de rat, tu veux dire. Ça fait beaucoup de je sais pas quoi, je sais plus quoi. Je sais plus, mais un mec qui faisait de la flûte et il a tiré les rats. C'est putain, c'était un livre. Enfin bref, on a pas c'est un charmeur de rat. Le maire, il attend. Ouais, c'est vrai, parce que... Ni. Il attend, le maire. Bon, moi, déjà, pour commencer, je vous propose qu'on aille voir Mister Yoge. Yoge, c'est le chef des égouts. Bon, un peu dommage, mais t'es faite un peu belle, hein. C'est le chef mais des Tortues Ninja aussi, avec ses manicures, elle comprend rien, quoi. On est dans Actu Solite. C'est un gros rat. Et t'arrêtes avec tes rats, toi. Pardon, mais on va voir le chef des égouts, c'est forcément un gros rat. Oui, mais enfin bref. L'idée, j'avoue, il faut qu'on se dise à Théo de trouver d'autres missions parce que clairement c'est plus possible. La semaine dernière, c'était avec les cocktails et c'était quand même beaucoup mieux. Ouais, donc, j'ai commandé les pizzas. Bonjour monsieur, vous êtes bien monsieur Wogé? Yeah, no, I'm not him. Mr. Wogé is down here. Oh, ça va être long. On aurait dû garder le traducteur. Mr. Wogé? Hola, no, soy el de buscas. Buenas de suerte. Mr. Wogé? Hi! No! I don't look like Mr. Hoche! C'est il fait flipper celui-là! Hein. Ou une meuf, on sait pas you are ouais. Mr. Hoche? Why not? Chill now! Non, non, son nier, Hoche! T'es notre là-bas, non, vous voltez! Merci! Mr. Hoche? Hoche! Ma salut, ma content, Massimo! Ma Hoche! Massimo? Ouais, Massimo! Massimo? Café? Massimo Wogé! Qu'est-ce qu'ils veulent? Et qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent savoir pourquoi il y a des rats dans la ville! Ah bah je sais pas, moi il y a des rats dans la ville! C'est vrai qu'avant il n'y avait pas de rats, maintenant il y a des rats, je sais pas ce qui s'est passé, hein! Mais pour savoir ce qui fait venir les rats, il faut bien comprendre la plomberie! Vous connaissez la plomberie un petit peu? Pas du tout. Ah bah bien sûr. Eh bah vous allez apprendre avec Massimo. La dernière fois c'était électronique, là c'est plomberie. Alors à l'époque du passé, il y avait souvent le plombier, il était aussi niqueleur, chromeur ou zingueur. Zingueur, chromeur. Mais évidemment dit. Zingueur. Bah oui, zingueur. Parce que c'est du zinc. C'est ce que j'ai dit après. Devinette. Des tuyaux en chrome, vraiment. Devinette. Qu'est-ce qui rend un ministère malheureux et un plombier heureux? Un édito? Un avis de décès? Ou une fuite? Une fuite. Ah ouais, c'est ça, vraiment. Alors, cœur de minette, quel est le point commun entre un plombier et un gars qui mise de l'argent dans un camp de course, un champ de course, pardon? Est-ce que c'est des tuyaux, des haies ou des combines? Tuyaux. Des haies. Ouais. Sans doute, hein. Qu'est-ce qui utilise le plombier pour couder un tuyau? Est-ce que c'est une porte-menteuse? Est-ce que c'est une cintreuse ou une vesteuse? Une cintreuse. Ouais. J'ai un robinet mélangeur. Comment c'est son nom déjà? Un mitigeur. Ouais. J'avais un coupe-flop ou un coup de flop. Ah, bref. Là, j'ai un robinet avec une forme qui ressemble à un morceau d'animal. C'est un robinet à col de cygne, à minois d'écureuil ou à œil de biche. À col de cygne. À col de cygne. Cygne. C'est qui a dit écureuil? Arrêtez avec les écureuils. Vous savez, la plomberie, c'est un métier de star, hein. Comment c'est dit qu'il s'appelle le personnage Mario. De jeu vidéo? Ouais, c'était Mario. Vous cartonnez les gens. Hey, on est trop fort en plomberie. Vous trouvez pas que vous et moi on se ressemble? Non. Un non, petit peu ira. Quand même. Hey, vous pourriez aussi créer votre société de plomberie. Parce que comme on dit chez nous, pour être plombier, pas besoin de fuite dans les idées, mais plutôt de fuite dans les bidets. J'ai trouvé tout seul celle-là. A bientôt. Ouais, c'est ça. Massimo. Massimo. Bon, bah, je suis pas pressé de le revoir. Bon, donc, déjà, on a un premier indice. Je c'est... pense qu'il s'agit de société, mais tu mourras pas. C'est pas mal, pas mal. Vous avez cartonné. Tu mourras pas. Tu mourras pas. On a eu des fautes au moins? Non, on a fait un sans faute. Une, je crois, non? Même pas, même pas. Même pas. C'est moi qui ai fait des fautes. C'est vrai que globalement, j'avais l'impression que c'était plutôt simple. Mais bon. Je suis contente parce que le ceintireuse. Ceintreuse. La ceintreuse. La ceintireuse. On l'a dit, on l'a dit en même la temps. La ceintireuse, c'est Gigi. C'est avec les merguez. Elle est plus si sainte que ça. Mais bien sûr, juste après, on continue les rigolades. Bien sûr qu'on continue les rigolades toute la soirée. Tu t'es lancé, puis d'un coup, ça s'est... En faire tout un Anaïs. Ah oui, c'est le moment où on prend la guitare. Oui, alors, il s'est entraîné. Il s'est entraîné dur. Hein, j'ai changé la jingle. Ah, pas un truc de merde. Ah non, c'est encore bien, mieux. La semaine dernière. Mais alors, j'ai gardé le refrain. Mais j'ai changé le couplet. Oh, j'ai peur. Non, on t'a pas insulté de boudin de réglisse. Ouais, et juste après le dico d'un gosse, c'est par moi! Parce que je travaille dans cette émission. Ah, c'est vrai, nous on est là juste pour décorer, excuse-nous, oui, madame. On va écouter Askind. On n'est pas Henri, on te lâche pas. Elizabeth! C'était pas mal ça. Pas mal, pas mal l'accent. Ouais. Woman of the Ghetto, un remix. Of the Ghetto? Of the Ghetto. Elle a dit Of the Ghetto. Ah bah j'ai pas entendu ça. Ouais, bah c'est que t'as les oreilles bouchées. Et vous êtes sûr? Indestar! Actu solide sur Indestar, y'en a pas deux. Et c'est pas plus mal. Oh oui, c'est pas plus mal quand tu vois qui est là-dedans. Elle est là, elle est unique, elle est pour vous. Un peu débile. Tu sais, Théo, tout à l'heure, j'ai mangé une panna cotta, tu sais, fondue. Ah ouais? Oui, parce qu'il faisait trop chaud, donc elle avait fondu. Je l'ai mis au congèle, tu te rappelles? Oui. Mais tu m'as pas dit de la ressortir. Mais je te l'ai... Si, je te l'ai dit au moment, je te dis, t'oublieras pas de sortir du congèle. Tu m'as même pas répondu. T'as sucé une panna cotta? Parce que du coup, je viens de la sortir, c'est un peu glacé, donc je vais attendre un peu deux minutes. C'est une glace, c'est un McFlurry. Non, de la panna cotta fondue, c'est pas génial. Hein, je sais pas. Un peu. Bah, fondue recongelée. Et oui, vous écoutez Actu Solution et Indestar comme tous les mercredis soirs. Non, parce qu'il y a Théo. Alors Théo, c'est pas moi, c'est un autre Théo qui écoute pour la première fois ce soir. Donc il se sent un peu déçu parce que tu lui dis qu'il écoute tous les mercredis soirs. Bah, il l'a qu'à écouter. Non, j'ai dit comme tous les mercredis soirs. Ah, je croyais que tu avais dit aux gens qu'ils écoutaient tous les mercredis soirs. Non, j'ai dit comme tous les mercredis soirs. Mais imagine que Théo, le petit Théo, il veut réécouter les émissions, il fait comment? Et bah, il va sur le podcast. Et s'il veut voir nos sales gueules, il peut voir sur Twitch aussi. C'est vrai. Voilà, ça répond à ta question? Ça répond à ma question. Et maintenant ta gueule, Théo. C'est tellement ça. Semaine exceptionnelle sur Indestar. Nous offrons des places à la pagode de Chanteloup. J'allais dire Canteloup, quel con. Ah non. De Chanteloup à Amboise. Non, pas Canteloup, bah non. Ça, faut payer les gens pour y aller. Hystérique. Hystérique, oui. Historique. Ouais. Mais vous allez être hystérique une fois que vous aurez gagné vos places. Voilà. Vous avez juste principe simple. Voilà. Je parle comme Tarzan. Ouais, juste principe. Exactement, simple. Avec trois mots. Voilà. Vous allez sur notre page Facebook Indestar et vous devez juste répondre à une question. Combien faut-il monter de marche pour grimper jusqu'au dernier étage de la pagode? Voilà. Et vous gagnez deux places. Exactement, si vous êtes tiré au sort, on vous appelle dans la semaine. Il faut rester à l'écoute et il faut décrocher le téléphone quand on vous appelle parce que lundi, ça n'a pas été le cas. C'est pas grave, on a encore plus de places à offrir comme ça. Ouais. Dommage pour la personne quand même. C'est vrai, bah dommage qu'on... Mais vous pouvez rejouer, évidemment. Et moi, je voulais dire, pour ceux qui veulent, je sais pas, nous aider pour la mission, pour... Chanter avec nous. Chanter, voilà, tout simplement, échanger. Ils font quoi? Et bah, ils appellent. Et bah, sur quel numéro? Le 09 70 407 306. T'as bugué sur le numéro de téléphone d'Indestar? Pas du tout. Non. Et t'es tellement lentement qu'il faut. Simplement lentement. J'ai failli m'endormir. Bah oui, mais. Parce que quand tu composes un numéro, t'es là 0970 407 306, toi ouais. Non. C'était son côté suisse. 70 407-306. Voilà. Faut le faire calmement. Tu sais pas faire calmement les choses, toi, Amel. Hein. T'es pas quelqu'un de calme. Prépare pas, c'est à moi de toute façon. Je suis surexcitée ce soir parce que Théo s'est entraîné. Bah ouais. Théo a passé des heures à s'entraîner. Ah, des heures entières à préparer une nouvelle musique pour le jingle de tout du boutin de réglisse. Le boutin de réglisse. C'était venu comme ça au dernier moment, l'autre fois que veux-tu. C'est une rubrique qui s'appelle Toute une Anaïs. On n'a pas de jingle de produit parce qu'on n'avait pas les moyens. On n'avait plus les moyens. Par contre. On a les moyens de vous produire une musique en live tous les mercredis soirs. J'ai une guitare, si vous voyez, sur Twitch. Un peu moins, quand même. Là. Ouais, parce que là, ça fait, beaucoup, quand même. Hein. Voilà. On serait dans une cathédrale. Tu peux arrêter de te plaindre, je t'en donne. Attends, elle est pour qui, la musique? On t'écoute. Ok. T'es prête? Parce que, attends, je suis pas tout seul. Mais on n'a même pas entraîné. On s'est entraîné. On s'est entraîné. Allez, attention. Plus en plus français. 3, 4... Comme chaque mercredi soir, j'anime sur Indestar. J'attends ce moment avec émotion, cette rubrique dans l'émission. Elle est là, là, prête à parler. Elle est là, elle veut s'exprimer. On dit d'en pas faire tout un plat. Moi je dis, on va faire mieux que ça. Toute une nana, toute une Anaïs. Toute une nana, toute une Anaïs. Toute une nana, toute une Anaïs. Toute une nana, toute une Anaïs. Tu veux un deuxième couplet pareil, hein? Vas-y. Ok, comme chaque mercredi soir, j'anime sur Indestar. J'attends ce moment avec émotion, cette rubrique dans l'émission. Elle est là, là, prête à parler. Elle est là, elle va s'exprimer. On me dit qu'on va pas en faire tout un plat. Moi je dis qu'on va faire mieux que ça. Toute une nana, toute une Anaïs, toute une nana, toute une Anaïs, toute une nana, toute une Anaïs, toute une nana, toute une Anaïs. Merci. Bravo. Le jingle le plus long que la rubrique. Exactement. Bah moi j'aime bien parce que du coup bah j'aime bien. T'as filmé carrément. Et tu peux peut-être lui enlever la réverbe maintenant. Non, j'aime bien comme ça. Non, parce que déjà il saute plus haut que son cul. Tu peux attendre de me laisser le temps, etc. De me poser, non? Oui, tu sautes plus haut que ton cul. C'est une nouvelle expression. Oui, tu connais pas qu'il saute pas plus haut. On pète normalement plus haut que son cul, mais on ne saute pas au-dessus de son postérieur. Mais bon, c'est pas grave, hein. C'est ce qu'on veut. Explique-nous ta rubrique. Alors je vais vous proposer 3 expressions. Soit vous allez devoir me donner la suite de l'expression, soit vous allez devoir me donner la signification de l'expression. Je commence, je veux la signification. D'accord. Toi, c'est dit, mais t'as d'une façon tellement blasée alors que j'ai tout donné dans le jingle. C'est clair, ça fait plaisir. Mais c'est j'en ai rien à foutre de ton jingle. Est-ce que vous êtes chaud? Oui. Et toi? Elle est chaude. La première expression, ouais, s'entendre comme larron en foire. Ah, ça veut dire que tu t'entends super bien avec tes copains. Ouais, c'est ça. Voilà. Elle en a 3, ça va être expédié en rien de temps. Allez, deuxième. Non, voilà. Tu veux nous donner une signification. Enfin, pas une signification, mais s'entendre une. S'entendre à merveille, ouais. Et c'est à peu près du XV22. Oh non, non, non, non, arrêtez avec ça. Du 17ème siècle. Ah, j'avais pas compris. Parce que je l'avais pas du tout compris. Oui, moi, la mode XV22. Ça veut dire quelque chose. Ah, barbare, je voulais dire, mais voilà quoi. Deuxième expression. Ouais. Derrière les fagots. On devine là? Deux derrière les fagots. Oui, on devine Oui. Moi je sais. Je peux dire. Non, laisse si tu sais, laisse les autres. D'accord, d'accord. Deux derrière les fagots. Deux derrière les. Non, deux DE. Hein. Oui. Deux derrière les fagots. Et ben en gros, c'est quand t'as les pétoches. Tu te planques derrière les fagots. Rien à voir. Oh, j'en ai aucune idée. Ah ouais. C'est se cacher. Ah, pourtant, t'as eu des fagots toi? Jamais. Quand t'étais petit. Que ah, c'est pété. C'est pété. Avoir l'excuse de péter. Non. Des boutons? Non. Des fagots, des chaussures? Non. J'en avais quand j'étais petit. Aucun rapport. C'est plutôt quelque chose, on va dire, entre guillemets, d'esthétique. Ah, c'est pas toi, alors. Un appareil dentaire. C'est pas vraiment d'esthétique, mais... Premier indice. Des dents de lait. Non. Premier indice. Unique. Quelqu'un de spécial. Moi. Quelqu'un de brillante. Non. Quelqu'un de superficiel. Non. Tu peux répéter le truc? Unique. unique et... Non, l'expression. De derrière les fagots. De derrière les fagots. Se faire réinjecter dans les fesses. Quoi? Non. Non. Tu fais pas ça quand t'es petit? Non, t'es caché derrière mais ton... Mais qui dit que quand on est petit, on fait ça? Ouais. Mais ils l'ont dit. Ah non. De il a pas dit petit? Si, Théo, il a dit quand j'étais petit, je bon. Ah non, non, c'est... non, non, rien à voir. Ah non, c'était pas un indice. Hein. Ah merde. Pas di... Non, non, pas du tout. C'est pour ça. Deuxième indice, d'accord. Surprenante. Ouais. Impressionnant. Tu l'as toujours? Bah oui, mais là, je comprends plus avec le deuxième indice. C'est vrai? Ouais. Mais normal, tu l'as pas du coup. Non, mais d'accord, mais le premier, non. Ça me dit c'est rien. Impressionnant. Je voyais pas trop. Mais le deuxième, oui, d'accord. Quelqu'un de... Brillant. Caractéristique. De... Quelqu'un de charistique. Tu voulais dire charismatique? Caractéri... Oui. Je te décode, Amel. Charismatique? Elle voulait dire charismatique. C'est beau, charismatique. Ouais. Ouais. Mais c'est pas ça. Il faut juste savoir le dire. Ouais. Parce que s'il dit charismatique. Tu veux donner la réponse parce qu'on en a pour longtemps. Ouais, bah, ouais. Vas-y. Alors pour moi, sortir de derrière les fagots, ça veut dire sortir de nulle part. Elle a pas dit sortir? De derrière les fagots. De derrière les fagots, bah de nulle part quoi. Pas vraiment, non. Comment ça, pas vraiment? Je vous dis, c'est quelque chose qui est bien conservé, rare et précieux. Attends. J'ai bien une réponse. De derrière les fagots, t'es sérieuse? Bah, j'ai trouvé ça sur un site. Ouais. Ouais, ouais, ouais, c'est bien ce qu'ils vont. Je l'ai un tour de ce corps, de derrière voyons. Les fagots. De derrière. Ok, Google. Ouais. Et 61 qui le vin est entreposé derrière les fagots de bois, oui, on s'en fout. Faut que tu mettes expression, signification. Attends, bah oui, parce que t'as quoi toi, là j'ai l'origine de l'expression. Bah, moi j'ai quelque chose de bien conservé, rare et précieux. Ah, c'était ça la réponse? Ouais, ils mettent. Non, mais alors, ouais, non, ils en mettent deux. Ils mettent d'une qualité extraordinaire, mais dire surprenante. Donc, ouais, c'est. C'est tiré par les jeux, quand même. Je pense qu'il peut y avoir plusieurs significations à cette expression. Parce qu'il veut pas avoir tort. Ouais, mais j'ai. Ouais, aussi, aussi, c'est tout à fait. Non, j'ai quand même raison. Ouais, bien sûr. Ouais. Oui. Ouais, t'as raison. Mais on c'est a tous que, raison. C'est pour ça que je comprenais c'est pour pas. Ça que j'ai mis le unique parce que unique, rare, tu vois, c'est un synonyme. Quoi. Ouais, ouais. Ah, mais ça connaissait pas et du tout. Surprenante parce que j'avais trouvé cette. Surprenante, ça, c'est pour ça que je t'ai dit, ça me parle surprenant parce que oui, quand c'est derrière les fagots, ça surgit comme ça, tu vois. Ah, bah, ouais, bien sûr. Parce qu'il y a plusieurs significations, on l'a déjà vu ça. Ouais, hein. Ouais. Mais moi, je suis tombée sur celle-là. Bah, là, du coup, il y a une virgule entre les deux, alors on sait pas. Ouais. Là, je veux que vous me dites la suite. Ok. Des amis à la. Pêche, homo, homo, homo. Des amis je à la. Je ne veux pas y aller, maman. Toutes ces jeunes filles et filles et filles. Des amis à la. Des amis à la. Il y a que il ça. Nous manque un bout là. Ah ouais. Des amis à la. À l'apéro. À la cantine. Non. Mes amis. Non, c'est amis. Là, plus loin. C'est pas le L'Epostro, c'est là. Ah oui, à la. Oui, parce que moi j'ai dit à l'apéro. Pêche, ah. À la. À la. Bouffe. Des amis à la. Merde, non. À la mer. À la mer. À la... C'est un indice qui prend la mer. Tendance. À la mode. À la mode. Ouais. Des amis à la mode. Ouais. C'est une expression ça ou c'est juste ouais. Ils sont à la mode. Ça veut dire se dit des personnes qui ne témoignent de l'amitié que par intérêt, par profit et qui n'ont aucun égard vis-à-vis de leurs anciens amis. Ah ouais, c'est violent comme expression. J'avoue. Ah ouais, des amis à la mode. Oui, c'est comme la mode, ça vient et ça part. Ouais. Ah, ouais. Ça, ça, oui, d'accord. Ouais, c'est violent. Ouais, non, bof. Non, mais si, pourquoi non, pas. Non, mais vous étiez nul ce soir. Bien, mademoiselle. Non, on n'était pas si nul que ça. Hein. Je suis désolé, j'en ai trouvé une comme ça. L'autre, je l'avais aussi. Celle-là, je la connaissais pas, par contre. J'avoue. Moi non plus. Je ne suis pas. En même temps, à je la peux mettre que des mission. Faciles. La première était facile. Oui. Fais péter ma rubrique. Ok. Le dico dingo. C'est le dico dingo. Le dico dingo. Le dico dingo. Le dico dingo. Le dico dingo. Le dico dingo. Merci, c'était Johnny. Il est devenu tout rouge d'un coup. Bah ouais, c'est normal, c'est Johnny. C'était quoi ça? Merci Clermont-Ferrand. Et là, à la fin. Ouais, mais c'est génial. Non, mais ça fait penser les gens à la fin de la scène qui fait. Il a aussi fait. Vous êtes génial. Comme Teddy aurait pu le faire. Non. Ah non, moi je fais pas ça. T'aurais pu faire, vous êtes chez. Je fume pas des pneus et je me crois pas à Clermont-Ferrand. Non, c'était géniaux qui. Là, tu vois, je t'ai trouvé un peu mangé dedans. Le dico dingo. Je t'ai trouvé un peu mangé dedans, gênant le wouf wouf parce que tu vois, il y avait personne. Ah ouais. Mais mes atouts, ils nous entendent parce que. Ils sont juste 10 000 à écouter. Ouais, mais ils nous entendent juste. On est un petit comité. Ah bah, ils nous non, ils nous voient aussi. Alors, moi, c'est un petit jeu où je vais vous poser 3 mots et à vous de deviner ces mots. Et vous avez 3 indices quand vous y arrivez pas. D'accord. Ah non, rien. On peut répondre comme Est-ce ça. Est-ce que vous avez compris? On a compris. Amen. Premier mot. Albatros. Oh c'est un oiseau. C'est un oiseau. Bah oui, c'est un oiseau ça. Ouais, bah oui. Bah, comment ça? C'est un oiseau, mais ça veut dire quelque chose d'autre. Albatros, ça veut dire autre chose qu'un oiseau. C'est aussi un manga. Albatros. Non, c'est Albatros. C'est Albator. Non, lui, c'est Tom Sawyer. Et c'était Albator, le manga. C'est Albator, hein, parce que même moi, je connaissais. Oui. Mais vas-y, maman, je dis rien parce que j'allais chanter la même. Ok. Tu triches pas, Théo. Non, je triche pas. Bah oui, c'est un oiseau, un grand oiseau blanc. Non, ça n'a rien à voir avec un oiseau. Est-ce que c'est quelque chose pourtant, c'en est un. Qui est coloré? Non. Premier indice. Théo peut l'être assez souvent. Con. Fou. Con, elle a dit, j'aurais pas aimé. Quoi? Non, t'as dit con. En parlant de moi, un génie. Un génie de mon calibre. Tu oses dire. Ok, c'était ça, non? Pour ma rubrique, c'est tout. Blanc. Albatros, albino. Ah, j'y ai pensé aussi. Ouais, je me suis dit, non. T'as dit blanc, que Théo, il était de temps en temps, il est bavard. C'est pas de temps en temps. Ah, lourd, pas drôle. Lourd, pas drôle, ça marche aussi. Ça peut. Pas drôle, ça peut. C'est ça pas peut long. Quoi, dans le, quoi dans le truc. Nul, en blague. Pas drôle. Ouais. Je vais quitter cette émission. Il va prendre trop cher. Si je vous dis non reconnu. Ah, c'est quelqu'un qui est tout seul dans sa blague. Est-ce que c'est quelqu'un ça, qui est... C'est un peu ça. C'est... Il est dans son monde. Ah oui. Quelqu'un... Dans sa bulle. Dans sa bulle. Quelqu'un qui dans se comprend bulle, tout seul. Diams. Quelqu'un de mécompris. Oui, mécompris, c'est ça. C'est un albatros. D'incompréhensible. C'est quelqu'un d'incompris. Ouais. Ah, okay. Je l'avais presque. Tu es quelqu'un d'incompris. C'est vrai que je suis incompris. Parce qu'en fait, tu sais pourquoi? C'est parce que c'est un génie incompris. Mais oui, non, mais je suis un génie dans une équipe... Qui est moi. Oh, vous avez entendu le truc de Amatila? Un artiste incompris. C'est toi? Mais qu'est-ce que tu as entendu? Il y a une tendance sur Amatila. Sur quoi? C'est qui Amatila? Amatila, bah. C'est qui Amatila, oui? C'est l'humoriste. Il y a un humoriste qui s'appelle Attila. Moi, je connais, Ahmed. Ahmed. Ah oui, alors Ahmed Silla, oui. Ahmed Silla, non. Non, Ahmed Silla. Ahmed Silla. Oui, d'accord. Ahmed Silla. Et il a fait quoi, lui? Bah lui, vous connaissez le truc LOL? Oui. En gros, plusieurs célébrités qui doivent se faire rire, mais t'as pas le droit de rigoler, sinon tu perds. Oui, il a perdu face à Lelouch. Oh, c'est possible. Ouais. Et puis, il y a un moment, pour faire rire les autres, il a voulu chanter une chanson en mode... Un artiste incompris. Et donc là, il y a son son qui sort en ce moment, quoi. Enfin, d'accord. Qui sort. Tendance, trend et tout, tu vois. Ouais. Je comprends. Ok, merci. En fait, c'est une émission où le but c'est de pas rire. Et du coup, ils essaient de tout faire pour faire rire les gens dans la pièce. Et lui, pour faire rire on les autres. On avait fait un truc comme ça, on essayait de faire rire le copain, mais fallait pas rire. Oui, on ils ont volé notre recette. Ils ont volé notre recette. J'ai perdu au bout de deux minutes. Oui, à toi en même temps, c'est normal. Un rien te fait rire. Mot. Qui femme qui rit. Vas-y, femme en moitié dans ton lit. Femme qui rit, femme qui rigole. Femme en moitié, femme qui rit, aime le fromage. Vache qui rit. Voilà. Eh, par contre, tu me traites pas de vache. Je vais pas traiter de vache, c'est lui qui a dit vache. Moi Kiri. C'était Kiri Kiri. Oui, mon mot. Badinage. Comment? Badinage. Ah, je connais. C'est quand tu badines. Ah, je connais le badinage. C'est le fait de tartiner quelque chose. Non. Ah, badigeonner. C'est pas tartiner. Hein. Bah, non, c'est pas se rouler dans une galoche. Badiner, je le connais, mais je m'en rappelle plus. Badiner, c'est genre, tu parles. C'est, ah, y a non, non, c'est baratin, ça. T'es nauséeuse. Ça peut y jouer. Ouais. D'être nauséeuse. Quoi? D'être nauséeux? Non, toi. Ah oui. Il a dit quoi? T'avais qu'à écouter. Badiner. C'est... Mentir. Raconter des salades. Non. Non? Non, mais c'est dans cet esprit. Enfin, c'est un truc avec la parole. Premier indice. Ah, je m'en rappelle. S'amuser. Ah ouais? C'est quand raconter des butades. Rôles, des trucs de blagues. Ouais. Raconter des blagues. Faire des un one-man show sans c'est être sur scène. C'est un peu ça, mais être humoriste. Qui aime bien. Chatte bien. Voilà, c'est un peu ça. C'est un peu le. C'est emmerder c'est l'autre, comme, mais gentiment. C'est jouer ou taquiner, quoi. Taquiner, ok. Je te badine, ouais, ce soir. Mais je la connaissais, celle-là, c'est tu vois, qui a pas perdu. Ouais, je te badine. Faut pas la sortir. C'est très bizarre comme expression. Oh, mais non, mais t'entres dans la pièce, tu dis. Mais n'y aurait-il pas un petit peu de badinage ici? Tu vois, quand tu vois deux personnes. Je badine, sont... Anaïs. Cette phrase-là, elle est très bizarre. Non, mais moi, badiner, ça me faisait penser à quelque chose de. Genre, t'es sous l'emprise d'une substance? Non, t'es boudiné. Ah, t'es fatigué? Non, t'es badiné. T'es boudiné. Ah, t'es badiné, t'es. Ah. Non, t'es boudiné. Troisième mot. Non, non, je vois ce que tu veux dire. Genre, t'as trop mangé. Troisième mot. Ouais. Lyre. L-Y-R-E. Je connais ça. Le lyre, oui. C'est un instrument de musique. Oui, la lyre. Ouais. Non, c'est pas ça. Mais c'était le lyre. C'est pas ça. Ça me dit un truc. Ouais. Moi, je sais lire. Lire, effectivement. Est-ce que c'est un objet? Oui. Cuisine? Oui. Une lyre? Fourchette? Non. C'est c'est quelque chose pour limer la viande. Non. Pourquoi? Tu limes souvent la viande, toi. T'enlèves la peau. C'est pas un truc en rapport avec les citrons? Non. Voilà. Les agrumes? Alors, c'est pas ça. Non. Lyre. C'est un truc pour couper? Bah oui. Moi j'avais dit pour couper la viande. Ah, elle a un truc pour couper les œufs. Pour limer la viande. Ouais. Non, pour couper les œufs. Pour couper le poisson. Non. Le truc pour couper le foie gras. Oui. Ah mais ouais. Oui. D'accord. C'est un ustensile pour c'est couper le foie. C'est une lyre, ça s'appelle comme l'instrument. Le lyre. Le lyre. Peut-être. La lyre, c'est. La lyre. Ok. Le lyre. La lyre, c'est l'instrument. Le lyre, c'est le truc pour couper le pâté. Vous d'accord. savez, c'est un sorte de. De rond, on va dire un peu un. Oui. Tu sais, comme ça, là, une parenthèse. Non, je vois pas. Non. Une parenthèse. Comme ça, oui. Touc, touc, okay. Touc, touc, avec un fil au milieu. Un carré oui, avec oui, un fil. Oui, je vois, je vois. C'est oui, c'est ouais, ouais. Sorte de scie. Et moi, j'ai ça chez moi et c'est super pratique. Bon, il me sert pas souvent, mais. Ouais, j'allais dire, tu bouffes du foie gras tous les jours, toi. C'est offert dans chaque boîte de foie gras que t'achètes. Non, non. Ah, oh, si. Bah, oh, quand non. Tu prends du bon foie gras, bien sûr. Ah, bah oui, il y a toujours. Nous sommes pas à la même valeur. Ouais, Lidl, il y a pas ça. Non, mais c'est Lidl. Quoique, attends, j'ai acheté une cuisse de jambon, il y avait le couteau et le truc pour tenir le jambon. Parce qu'ils disent. Ils ont pas le couteau. 50 balles la cuisse de jambon. Oh, en ça table. Va. Ça va. Ouais. Tu sais que j'étais on en Espagne. A vu des bien plus cher. Hein, non, mais j'étais ouais. En Espagne. Mon père, je sais pas pourquoi, genre il m'a dit ramène du jambon. Ouais. Mais il a raison. Je me suis dit, je vais ramener. Il était plus cher en Espagne qu'en France. Pourquoi t'as pas pris le cochon entier? Ça aurait été plus rapide. Bon jambon. C'est moins cher. Ah, je te jure. Et c'était super cher. Du coup, bah, je lui ai ramené de l'alcool pour le consoler, tu vois. C'est pas pareil, mais on a été à une foire ce week-end. Et sur thème Espagne. La thématique était l'Espagne, justement. Il y avait des beaux trucs. Des beaux jambons, mais bon. Et pourquoi t'en as pas pris pour nous? Parce que cher. Extrêmement cher. Je voulais en prendre un de base. Je voulais ramener un cuisseau de jambon. Il y en avait qui les avoisinaient les 440. Aye. Ah, le plus petit c'était 190. Ah, c'est du cochon de luxe. Ah, c'est du cochon, de luxe. C'est du cochon en or. Certainement du bon jambon, hein, mais bon. Oui. J'y goûterai pas. Nous allons chanter encore juste après. Ah oui. Et cette fois-ci, on s'est dit. Sans moyen cette histoire. Du direct. Du direct. Ah, c'est pour ça que je le sens moyen. Parce que déjà, quand c'est enregistré bof. Mais alors là, en direct. C'est elle. Non, j'y crois. D'accord. Mais en attendant, on va vous mettre de la bonne musique. Ouais. Hein, histoire de soulager un peu vos oreilles pour après quoi, avoir mal aux oreilles. On va écouter Sarah Miette. Avec. Il reste plus que les miettes. Wake me up. Oui, Avicii. Oh, c'est génial ça. Oui. Wake me up. Merci, voilà. Bah, bon, on a dit qu'on écoutait de la bonne musique. Oui, alors écoutons, ça. S'il te plaît, Sarah Miette. Actu solide, le défouloir d'Indestar, c'est ça. Hey, interview in English. Ok. Yeah, I am okay. J'ai mélangé. It's a great song, a country song, on the pop song and the rock song. Yes, I have a saladier. I do it to you. Pop, the new song. Il va faire une papique. Actu solide, tous les mercredis soirs, dès 21h sur Indestar. Qu'est-ce qu'on rigole sur Actu solide, moi je dis. Une émission parle bien anglais. C'est ça. C'est... oui. C'est Kevin million. Qui vous a donné des cours. Ah bah c'est Kevin qui nous a donné non, des cours non, évidemment. Non, on a juste filmé. Écoutez le jeudi soir PK Avenger, vous allez voir, vous allez prendre que c'est des pas cours mieux avec en anglais, Kevin. Hein. Ouais, clairement que Kevin fait pas mieux que vous. Pire que moi. Oh oui, oui, oui. Oh ça va alors. Oui, il le massacre. Ça peut. ça existe. Putain ça existe pire. Il y a un anglais, il est passé, il a saigné des oreilles. Ou il a rien pigé. Non sûr. En fait il est pas reparti le pauvre. Il est enterré à l'entrée du studio. Voilà. Pour les bonnes nouvelles. Alors, quel est ce moment crucial que l'on a dans l'émission? Eh ben, on va chanter. On va chanter. Mais bien sûr, à Indestar, tout ne se passe pas comme prévu. On devait imprimer, par exemple, les J'ai paroles. J'ai demandé à Théo de m'imprimer les paroles 4000 hein. fois. Ouais. Et en fait, il y est allé, mais ouais. Il ne l'avait pas fait. Alors, je lui ai dit... Théo, imprime-moi les paroles. Mmh. Et après, j'ai voulu, et après, ça n'a pas marché. Voilà. Bon, voilà. Donc, on a pris... sur téléphone. Donc, on a pris une photo, en plus d'un écran d'ordinateur sur un téléphone. Aïe, aïe, aïe, aïe. Capture d'écran. Ah, c'est compliqué. Tu peux pas l'envoyer par mail? Ben non, il n'y a pas internet de l'autre côté. Ah oui, c'est vrai. J'ai pris le seul ordinateur où il n'y a pas internet. Non, t'as pris un des seuls ordinateurs où il n'y a pas internet. T'en as un petit problème, mais alors, ça va, hein. Alors, attends, juste réexplique parce que avant l'émission, tu m'as dit ouais, c'est la chanson du tracteur, machin. J'ai fait, mais attends, Darla Dirla Dada, c'est Dalida. Après, c'est les One Culture, là, je sais pas trop quoi, de les bronzer. C'est pas du tout une question de tracteur. Et pareil, qu'il y a une reprise qu'elle m'a fait écouter où il y a des tracteurs qui chantent Darla Dirla Dada. Mais oui. A pas tout compris. Mais c'est pas grave. En tout c'est cas, c'est sur l'air. Paillard, je crois. D'accord. Bah, vous connaissez que la version Paillard. C'est pas grave. Lego culture. C'est pas une chanson vraiment paillarde vu que c'est une chanson. Si la fin on baisse dans une nouvelle chanson. Ah bah oui. Mais là ça sera pas vraiment mieux. Ouais. Vous avez refait et alors on le fait à cappella. Et moi, j'ai dit on va prendre un karaoké quand même. Un truc. Et ben bah non, on a rien du tout de cela. On bah va non, à cappella. Elles m'ont juste dit ouais, tu prendras ta guitare, ça sera génial. Bah oui. Je rappelle que je ne sais pas jouer de la guitare. Oui, mais tu fais semblant. Tu fais les phrases. Ouais, ça, je veux bien faire semblant. Non, on est censé faire les phrases en Tu fais du son semblant. Est-ce que vous êtes prêts? Parce que Anaïs ne connaît pas, absolument pas les paroles. On n'a pas eu le temps de répéter. Quoi? Moi non plus. Et tu m'as dit que ça serait bien. Tu m'as promis que ce serait bien. Oui, mais elle est arrivée à 56 aussi. Bah, pardon. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais. Elle est arrivée à 54. Allez. Non, elle était 56. Et on compte sur vous pour faire les lalilalala. Même vous qui êtes chez vous, pourquoi pas? Attention. D'accord. Attends. Non, j'étais prête. Là, ça se fait pas. Là, j'étais prête. Non, il vous met en gros plan. Faites coucou à la caméra. Ah, on est chou, non? Allez. C'est la mauvaise caméra. 3, 4. Bienvenue dans les actus solides. La la li la la la. Et ce soir, on balance tout. La la li la la la. Et vous allez péter une durite. La la li la la la. Mais nous, ça, on s'en bat les couilles. La la li la la la. C'est bientôt la fête des vieux. La la li la la la. Nous, on travaille sans rien gagner. La la li la la la. Mais on fait tous de notre mieux. La la li la la la. Pour garder cette solidarité. La la li la la la. Mais nous, Français, on n'est pas cons. La li la la la la. On se fait niquer sur tous les fronts. La li la la la la. Croyez vraiment que c'était pour vous. La li la la la la. Vous allez rien toucher du tout. La la li la la la. L'État il s'en fout plein les poches. La la li la la la. Pour augmenter leur petite bidoche. La la li la la la. Tout ça pour vous dire qu'on vous soutient. La la li la la la. Vous méritez bien votre retraite. La la li la la la. Même si les gens sont bons à rien. La la la li la la. Ça fait déjà bien belle lurette. La la li la la la. Il est parti. Je suis tout seul. Ouais, t'es tout seul. Alors, il y a du public qui est arrivé pendant qu'on était en pleine musique. Ouais, ils nous ont vu, ils sont repartis. Évidemment, ils ont trouvé que c'était exceptionnel. Hein. T'en penses quoi, Sofiane? Bonne musique. Sofiane, il est épaté. Il est épaté. Ah ouais. il est sans voix. À des chanteurs professionnels. C'était long, hein, votre truc. Hein. Non, ça va. J'ai l'impression que ça allait jamais se terminer. Hein, vraiment. Bon, allez, ça passe, c'est du live, c'est du direct. Ah bah ça passe. C'était la meilleure qu'on ait faite en direct quand même. Quoi? Alors ça, c'était la meilleure qu'on ait faite en direct. Vous avez assisté à la meilleure performance qu'on ait fait en direct, il paraît. J'étais dans le rythme. Non, pas la mienne, hein. Moi, elles sont toujours au-dessus, évidemment. Abuse pas. La meilleure performance des filles. C'est les bronzés, hein. Oui. Ouais. Non, à la base, c'est Dalida, hein, quand même. Rien à foutre, c'est les bronzés. Bon, si tu veux, c'est les bronzés. Et je savais pas. Ah bon. elle ne Pourtant, savait. Les trucs pailleurs. Les bronzés, quand même. Mais non, mais il me l'a fait écouter juste trois phrases. Oh, bah d'accord. Oui, bah les go-cultures. Enfin, c'est pas les bronzés, c'est les go-cultures, exactement. Mais c'est dans le film Les Bronzés. Ouais. Ça va comme explication? Ça va. Bon, on a du public ce soir, c'est cool. C'est que tu Ils ont pas de micro? Et non, ils ont pas de micro. On les a privés de micro parce qu'ils sont arrivés en retard. Voilà. Pas de bras, pas de chocolat. C'est tout. Et c'est comme ça. Quand on fait la fête avant, Sofiane, et bah, on s'étonne pas de pas avoir de chaise. Voilà. Il a fait un foot. Oui, c'est vrai qu'alors, tout à l'heure, à l'extérieur du studio, il y avait un foot. Ouais, Théo a essayé de tirer dans le ballon, il a raté. Moi, j'ai... Ah, ça m'a pas étonné. Non, je coachais, moi. J'étais là, j'encourageais. Management. Tu vois, normal. Et à un moment donné, j'ai eu le ballon dans les pieds, j'ai essayé de le renvoyer, voilà. Et tu l'as envoyé chez le voisin? Non, je l'ai envoyé tout droit, enfin j'ai fait ce que j'ai pu, tu vois. Voilà. Il a touché le ballon, quoi. J'ai touché le ballon. C'est déjà pas mal. Déjà pas mal, j'ai jamais pu faire mieux. T'as déjà vu les gamins, genre, essayer de tirer avec la jambe tendue, le ballon, genre les deux jambes, s'ils ont croisé, là. J'ai tout essayé, moi, que ça soit du volley, que ça soit du, comment on appelle ça, là, le hand. Le foot, ah oui, carrément, le rugby, le badminton. Mais j'ai tout essayé, mais je suis nul partout. La couture, la couture. Allez, vas-y. Est-ce que t'as essayé la danse classique au pire? Non, c'est... Ah, alors attention, démonstration en direct. Ah ouais, bah, vous avez la vidéo? Vous pouvez venir sur. Vraiment, il va faire ça? Qu'est-ce qu'il nous fait? Non, mais... on voit rien là, mais toi devant. Fais un peu N'oublie pas que t'as le casque, tu peux emporter toute la radio avec toi. Bah oui. Tu lèves tes mains, lève tes deux mains, touche les deux mains. Non mais un peu un en point, peu, voilà, voilà les pointes des mains, voilà. Non mais pourquoi tu fléchis comme ça? Flexion. On fait pas des squats. Langue de chat. Ouais, ça va. Regardez. Ah, on dirait un pélican, tu sais, genre le bordel, regarde là. Un pélican, un albatros, J'ai de l'équilibre. Non mais ouais, je vois pas à quoi ça ressemble à un albatros. Je suis désolé, à 90 ans. C'est un goéland. On va dire tout bien conservé. Si tu le dis. Ah bon. Oui, pour un mec de 90 ans. Ah oui, on est d'accord. Pour un mec de 30. On est d'accord. De la musique maintenant, de la vraie, hein, s'il te plaît. Oui, on va écouter Dorian, hein, de trajet. Pardon. Plaît-il? Trajet de Dorian. Qu'est-ce qu'on fait? Ah oui, on écoute Trajet de Dorian sur Indestar. Et après, eh bien, direction les États-Unis, United States of America, pour résoudre un problème de rat. Passe le fun autour de toi. Actu solide sur Indestar. Quoi, je dis bonsoir et alors? Bah oui, bonne soirée, bonne soirée! Bah bonne soirée tout le monde! Bienvenue sur Indestar! Sayonara! Oui, ils ont fait une courte apparition. Apparition, disparition. Apparition, disparition. Parce qu'en fait, je pense que c'est la musique qui les a attirés. Ils disent non, ils disent non. Et c'est la musique qui les a fait fuir. En fait, ils ont entendu une bonne musique et après, ils ont entendu le titre de Dorian. Ah ouais, non. Ah bah non. Ouais, c'est ça. Eh, ouais, c'est dur de passer derrière. Ils voulaient écouter de la merde. Voilà. Bah, ils sont venus. Ils étaient servis quand ils ont été attirés, aimantés par de la merde, effectivement. Comme des mouches. Ouais, mais c'était du live en même temps. Qui mieux qu'Indestar peut faire du live? Moi je dis que c'était pas mal. Bah, live. Du live, ouais. Oui, du live. J'avoue que je pense Français. Que la musique devait être un peu longue quand même. Bah, j'avoue qu'au bout d'un moment, au bout de 15 fois, on avait. Mais les gars, si vous voulez. Oui, on recommence la semaine prochaine. Ça m'est passé à travers la tête. Quoi? Mais j'ai une YOLO à vous proposer. Ah bon? Hein? Vas-y. Je me suis trompée de colonne. C'est pas YOLO. Ah, c'est C'est YOLO, ça. Non. Oh yeah. C'est pas Tragédie, c'est comment il s'appelait Tribal King. Friction de sauce. Tribal King. Je sais pas. Ah, si. Oh yeah. Tout le monde bouge ses fesses. Les femmes. Oui, c'est pour ça, c'est pas YOLO, ça. Pas son sexe. Alors. Oh yeah. C'est pas qualitatif. Je pense que ça a été fait quand même en. En plein battage de couilles, hein, quand même. Hein. Ah bah oui, c'est pas que de couilles. Oui. Je ne pèserai pas le son. Ouais. Non, mais on peut couper vraiment. Hein. Non. Alors, c'est le genre de tube qui a duré à peu près 2 mois, et puis après plus rien, et heureusement. Et t'as finalement. Juste des gueules comme moi et Anaïs, mais non, ça a duré. Tu l'entendais très très tout le temps, en soirée beauf. Attends, ah oui, en soirée beauf. Bah oui, en soirée, les repas, les mariages, tout ça. Ouais. En fin de soirée, apparemment, tu apparemment, ils l'ont attendu très très longtemps. Ah, mais c'est sûr, ça passe, c'est incontournable. C'est d'accord. Comme la petite chenille. La chenille. Bah, la chenille tout court, elle est pas petite, mais. Pour te dire, inter la radio, qu'est-ce qui est passé ce matin? Non, non, allez, pas vas-y. Ça. Les femmes oublient leur complexe, pas en sexe. Oh yeah. C'est nul. Ça bouge. C'est pas nul. C'est pas pareil que Tragédie, quoi. Ouais, c'est un peu le même. Oh yeah. Oh, bah ça va, ça va. Oh, je vais finir ma phrase. C'est du Patrick Sébastien version jeune. Passons. Ok, j'arrête. J'ai eu droit au oui. On passe au reste parce que sinon. Oui, oui. Ah, c'est un peu plus calme ça. Oui. Ah, oui, ça, oui. Ça me change. C'est toi qui conduis. En avant, oui, oui. Oui, oui. Avec mon beau taxi. Il y a ça sur Inter la radio. Alors attends, on rappelle qu'il y a une partie de la programmation qui est faite par les employés eux-mêmes. Oui. Qui est fan de Oui, oui. Je ne sais pas. Je peux pas savoir. Je ne comprends même pas la logique derrière ça. Quand j'étais petit, moi j'aimais bien quand j'étais. Mais t'as pas le droit de passer ça sur. Mais pour un format, tu dis tiens, on passerait bien Oui, oui dans mon Intermarché. Bah, oui. Non, mais c'est un pari. Bah, oui. Puis juste après, t'as Johnny Hallyday. Ah ouais. Mais le choc total. Enfin, le choc mec des. Qui fait la prog, oh, une glace. Ah, alors maintenant, on nous ramène des glaces avec oui. La femme qui va avec. Oh, c'est gentil. C'est cool. Non, je veux juste la glace. Il s'en passe des choses sur Indestar et dans le studio. Viens t'asseoir, viens manger ta glace avec nous, viens partager. Viens. Elle ah, a mais peur. Y a encore quelqu'un. Bien sûr. On va faire payer les entrées, moi je dis. Mais bien sûr. Une autre glace. Ah, il y a deux glaces pour le prix d'une. Et il y en a encore une troisième personne. C'est vrai, c'est vrai. Mais ça n'arrête pas ce soir. Bon. Non, mais en même temps, on fait les comptes depuis tout à l'heure. On a les fenêtres et les portes ouvertes. Mais c'est ça, c'est portes ouvertes toute l'année sur Indestar. Oui, c'est vrai. Bon. Et moi, je voulais bien une glace. Hein. Avec une petite frite, un grand coca, s'il te plaît. Cela dit, ce soir, il y a une enquête et ça, c'est du sérieux. Parce qu'il y a la ville d'Idiotville qui est envahie de rats. Voilà, ça se fait pas. Enfin, je veux dire, c'est nul pour habiter dans une ville comme ça. C'est pas cool. Ils sont remplis de rats. Ouais. Merci, ça. Ils sont ratisés. Ils sont ratisés. Il faut dératiser maintenant. Merci. Il faut surtout trouver la cause qui fait que les rats prolifèrent de telle façon que c'est. C'est un humain. Ok, donc vous allez direction Idiotville et vous allez résoudre le problème. Est-ce que vous avez un premier indice déjà? Oui, société. Société. Ok. Ouais, je rappelle qu'avec 3 jeux, normalement, on obtient 3 indices. Au bout de ces 3 indices, on est censé trouver. Ouais. Bon, très bien. Allez, direction New York. Non, New York. Oh, puis merde. Le truc là, du maire, tu sais, là, son traducteur là, il veut qu'on aille voir un vieux maintenant. Bah, c'est le traducteur de monsieur le maire? Bah oui. Mais c'est pareil, c'est un trou duc, quoi. C'est un truc. Un trou duc. Mais en plus, il... Il parle même plus, le vieux schnock, là-bas, là. Il sait jouer que de l'instrument. Et en plus, il l'a inventé. C'est un poids-poiphone. C'est sa maison, regarde, la cheminée verte et les murs rouges. Une poule? C'est une poule. C'est l'œuf ou la poule qui était là avant? Ah non, on s'en fout. Le lion est mort ce soir. Vous comprenez le langage poule? J'ai rien compris aussi. D'accord. Ouais. On arrête parce qu'on va encore faire venir plein de monde là. Les papas sur les bananes, ils sont partis, n'en parlons plus. Allez, crococo, les crococo, les crocodiles. Sur les bananes, ils sont partis, n'en parlons plus. Oh mon dieu. Il est tout seul. C'est pas une musique de Renaud. Aucune chance qu'on trouve. Aucune chance qu'on trouve. Non. C'est Mario, non? Ah! Les dents, un éclair de génie en même temps et pouf le rire. Putain, je l'ai en plus. Si t'arrives à chanter, on peut peut-être la retrouver. Bonne chance. Mais j'arrive pas à trouver. Ah, je l'ai sur le bout de la langue. Aucune chance qu'on trouve. Ça, c'est l'échec, ça. Mais si, je l'avais, putain. Ça s'appelle la corrida, apparemment. Je viens de voir sur son cahier de poids, poids, poids. Mais oui, sur les galets. C'est pas ça? Quoi, ça? C'est quoi le rapport à la corrida? Je t'aimerai. Ah ouais. Papa? Bon, bah, on est dans la merde, hein. C'est quoi qu'il a fait? Il a fermé sa porte? Ah ouais. Il nous a fermé au nez, là. C'est... Merci. C'est sympa. Il nous a fermé au nez. On retoque. Bah oui. Il est à fond. Il a fermé la porte. Et quel bâtard. Ce serait pas l'indice crocodile. On a trouvé plus de chances. Oui, bah justement, lundi, je crois que c'est crocodile. Le lion est mort ce soir. Crocodile et le lion. Des animaux. Attendez. Des prédateurs. Ah, c'est pas un prédateur le pingouin, ouais. Il a fermé sa porte le bâtard. Bah ouais, un animal peut-être. Il voulait parler des animaux, je crois. Vous arrêtez de faire le con, vous avez la réponse. Non, mais j'ai un doute. Ah. Au moins une chanson qu'on a trouvée, quoi. Vas-y, je regarde ses feuilles. Il y a écrit Steve Ball. Ouais, mais à mon avis, c'est un truc avec les animaux, là. Bon, allez, là, c'est bon, on peut fermer la porte. On lui a fermé la porte au nez. Ouais, c'est ça, salut. On va prendre un petit croco. Bon, animaux, moi je pense que c'est les animaux, pingouins, croco, le lion, animaux. Ouais, bah ça a d'accord, l'air très bien. Bah écoutez, si vous avez un deuxième indice, ça tombe bien, ça fait juste un quart d'heure que j'attends, mais c'est bien. Vous avez. Je suis fier de vous. Mais c'était pas mal. Tout de suite après, raconte-nous une histoire. On raconte une histoire, on doit dire si elle est vraie ou si elle est fausse. Rien de plus difficile. Rien de plus facile. Voilà. Mais on va écouter Peace Whiz. Comment ça? Peace Whiz. Peace Wise. Peace Wise. J'y arrive. Peace Whiz. Vanderbilt. avec Wondered. Wondered. Wondered. Tu, ouais, ou tu peux dire Wondered. Si quelqu'un veut la chercher sur internet, ça. Wondered. Wondered. En bien avec français. Avec Pièce Wiz. Exactement. Et c'est sur Indestar, c'est de la musique indépendante, c'est chez nous, et normal, c'est là où tout commence. Actu Solite, le défouloir d'Indestar, c'est ça. J'ai fait l'amour avec un ragondin. Attention, on change de musique. Actu Solite. On est bien là. Machine à laver. Machine à laver. Machine à laver. Yeah, yeah. Actu Solite, tous les mercredis soirs, dès 21h sur Indestar. Et c'est que ça rendait un truc pas trop mal. Quel sens du rythme dans cette émission. C'est là que tu vois qu'on est un peu zinzin quand même. Oui, oui, moi oui. Je dis vous êtes complètement tarés. Est-ce que tu as reconnu quelqu'un qui a chanté avec nous? Bah il y avait Théo, il y avait Amélie, il y avait Anaïs, il y avait peut-être Jolande. Non. Non. T'as pas non. Entendu tu ne peux pas entendre Jolande chanter, ça c'est... T'as pas entendu quelqu'un gueuler machine à laver? Tu veux c'était pas Théo? Ouais, vas-y, vas-y. Ah, tu peux remettre. Actu Solite, bah, le défouloir d'Indestar, c'est ça. J'ai fait l'amour avec un ragondin. Attention, on change de musique. Actu Solite, on est bien là. Machine à laver. Machine à laver. Ah, si, c'était où? Machine à laver, yeah, yeah. Ah, si, c'était où ça? Ah, y'a eu moi. Actu Solite. Tous les mercredis c'est soir, clairement Théo. Il y avait Léa aussi qui était là. Et c'est Léa qui nous a lancé ce machine à laver. Ouais. Je sais elle était en manque de machine à laver. Ouais, ouais, ouais. Ah, c'est parce qu'il y avait une improvisation de chant, on devait dire tous les mots qui nous venaient. C'était un peu l'idée. Ouais. Ouais, c'était encore un foirage total cette histoire. Elle nous a lancé une machine à laver. Bien sûr, parce que c'est le mot qu'on sort habituellement. Oui, bah moi, le mot qui me venait en tête, c'est j'ai fait l'amour avec un ragondin quand même. Ouais, ouais. C'est pas un mot ça. Oui, bah c'est un acte profond. Tu fais ce que tu veux dans la vie. Elle libère. Du coup, en tous les cas, on fait des gros bisous à Léa si elle nous écoute ce soir. Oh, j'espère qu'il a pas mis les dents. Pardon. Ça a des grandes dents jaunes. Orange. Le ragondin, oui. Oui, ça s'appelle Mieux Castor en vrai. Pas Léa par contre. Pierre Castor, raconte-nous une histoire. Pierre Castor, non, parce Pierre que là Castor. On va se raconter des histoires. On va nous raconter des histoires. Mais sont-elles vraies ou fausses ces histoires? Nous de vous pouvez jouer avec nous, hein. Vous prenez une feuille, un stylo, vous et notez. Et celui qui perd ou qui gagne, il gagne rien, il perd rien. Exactement, parce que comme ça, on veut pas, d'histoire. Ouais, ouais. Ah. Je peux commencer. Je peux commencer. Ouais. Moi, c'est une soirée bien arrosée. C'est faux. Qui a bien commencé pour une jeune femme avec ses colocataires. Pourquoi bien arrosée? Parce qu'il y avait un. Il y a beaucoup d'alcool. Il y avait un jet d'eau. Ah oui, il y avait un jet d'eau. Alors, ouais. C'est pas parce qu'il y a beaucoup d'alcool. Mais si. Ah. Oh, c'était une vanne. Et une fois bien bourré, il joue à se lancer des défis. Ouais. Un peu comme certaines soirées où ça peut se passer. Pourquoi t'as trop dedans? Et un de ses colocataires. J'attends que je sois. Et un de ses colocataires lui a lancé un défi. C'est de rentrer entièrement dans son sèche-linge. Ah bah il y a une machine à laver là. Il y a une histoire de rentrer dedans. Non là c'est un sèche-linge, c'est pour sécher le linge. À côté. Ouais mais voilà. Alors du coup, elle fait quoi bien bourrée? Elle essaye de rentrer dans la machine à laver. Mais tu sais comme moi quand je me bloque contre une chaise. La dernière fois que tu m'as porté pour essayer de me libérer. Elle reste bloquée. Oui, et elle s'est réellement bloquée sur les chaises du studio. Hein, elle est restée bloquée. Ouais. Ses colocataires ont essayé de la tirer un maximum. Mm-hmm. Impossible, obligée d'appeler les pompiers qui ont réussi à l'extraire au bout de quelques minutes. Tu sais que ça arrive beaucoup, hein, ça, ce genre de personnes qui sont coincées dans tout ce que tu peux... Bah être coincé. Il y en a une, elle avait la tête et encore coincée. Même pas dans des choses que normalement tu peux pas être coincé. Il y en a une, elle avait la tête coincée dans la tête... Attends, elle avait la tête coincée dans son volant de voiture. Ouais. Hein? Dans le volant de la voiture? Les pompiers. Comment tu... qu'est-ce qu'elle cherchait? Rien. Dans le volant de la voiture. Je sais pas, la tête freine un peu brusquement et pas la tête qui rentre dedans. Tu connais le Stabro iStock? Non, tu connais pas. Non. Je crois que ça s'était passé aussi avec un mec qui a dû appeler les pompiers pour se débloquer la tête. Ah oui, oui, c'est sûr. Quand tu fais le comme là, ça, on se doute forcément que tu dis la tête. C'est sûr. Ah putain, ce soir, j'y arrive pas. Ouais, on c'est la tête, ouais. Hein. Eh bah, tiens, raconte-nous ton histoire. Bah, vrai ou faux? Attends, vrai ou faux? Ah oui, merde. Moi, je dis vrai. Bah, oui, c'est vrai. Ils sont tellement cons, les gens. Par contre, fun fact, mon frère, je l'ai déjà. Il rentrait dans le sèche-linge, lui aussi, quand on était plus jeune, et je le mettais en route. Il tournait comme ça pendant 5 minutes. Il est bien essoré, le gamin. Il a eu chaud, hein. Ouf. Moi, je pense que c'est vrai, c'est même aux États-Unis. Non, c'est juste vrai, je me suis pas renseigné sur quoi. Je suis sûr que c'est aux États-Unis, avec les Américains qui. Bah, non, non, les Français sont. Je suis français, monsieur. Ah, oui, mais toi, t'es con. C'est pas un pays, ça, c'est un État. Anaïs. Il y a un homme qui a roulé sur une autoroute à 417 km/h. C'est vrai. Avec une Bugatti Chiron. Ouais. C'est pas une Veyron. D'accord. Non, c'est un Chiron. Il s'était filmé, mm-hmm. il avait diffusé la vidéo sur les réseaux sociaux. Ouais. Donc la police, elle a enquêté. Tu peux regarder, c'est pas marqué. Donc l'homme, mais l'homme, il leur a dit aux policiers, moi j'ai pris des précautions. Enfin, je suis partie à 5h du mat, ouais, quand l'autoroute était déserte. Quand c'est la vrai, lumière du jour était suffisante pour aller en sécurité et voir à peu près, tu vois. Oui, il était sur l'autobahn. Oui, c'est vrai qu'à 400, tu vois bien. Il était sur l'autobahn. Hein. Ouais. Il avait prévu des éclaireurs sur le long du trajet pour uh-huh. éviter des catastrophes, etc. Ouais, ça et donc, après plusieurs semaines d'enquête, le dossier a été refermé. Le conducteur, parce que le conducteur n'avait commis aucune faute, aucun délit, mm-hmm. et donc aucune sanction n'a été retenue. Je précise que c'était une autoroute allemande. Ouais. Ah oui, bah c'est vrai. Oui, c'est le Nordrhein-Westfalen. Ah non, c'est... Nordrhein-Westfalen. Ouais. Non, ça c'est la... Non, mais c'est, mais oui, c'est totalement vrai. Et t'as le droit en fait de rouler. T'as même pas besoin de prendre de précautions entre guillemets. Tu peux rouler là-dessus. Moi, je pense que c'est faux. T'imagines... Non, c'est vrai. Et... Oui, l'autoroute, oui, mais de là à faire venir des éclaireurs, machin. Ah oui, non, mais techniquement, il a même pas besoin. Je pense que l'histoire est fausse. C'est totalement vrai, et t'imagines bien qu'avec l'équipe de Starter en face de toi, ça ne pouvait être que la bonne réponse que l'on c'est, donne. C'était toi l'éclaireur. Et moi, j'étais éclaireur. C'est quoi la bonne réponse? C'était vrai. Bah oui, c'était un éclaireur au chocolat, lui. Ouais. On l'a fait dans Starter, je ne sais combien de fois d'évoquer ce circuit. C'était pas mal. Alors, non, attends. C'était pas l'autobahn qu'on a évoqué, nous. On a évoqué le Nürburgring avec la Nordschleife, qui est une des parties, mais là, c'était pas sur cette partie-là, c'était sur l'autobahn allemande, tout simplement. Mais ouais, où peut-être. T'as la limitation de vitesse, il y en a pas en fait. Après, là-bas. C'est considéré aussi comme une autoroute. Hein. Oui, une partie. Ouais. Ouais. Donc ça peut être ça aussi. Ça pourrait être sur cette partie-là. Non, j'en suis persuadé. C'est un mec qui est super riche parce que c'est le 33e. Pour avoir une Bugatti, il est forcément riche. Mais il en a d'autres, il a d'autres voitures, je sais pas. Bah, bien sûr. Ouais. Dire quel nom, juste une Bugatti, ça ne suffit point, voyons. Ouais. Bon, allez, à toi, trou de balle. C'est à moi. Alors, l'histoire se passe sur une croisière, donc c'est-à-dire sur l'eau. D'accord. Ah non, jusque sur là, un ça va. Bateau qui est sur l'eau. C'est un bateau qui c'est est sur l'eau. C'est pas faux. On est d'accord. C'est un riche propriétaire qui décide de partir en croisière. Et il se dit, plutôt que de laisser mon argent à la maison, je vais le prendre avec moi dans le bateau. Comme ça, je serai plus sûr et je serai sûr qu'on pourrait pas s'en aller avec mon argent. Tu vois. Titanic. Voilà. Pour l'argent. Vous vous doutez bien que, évidemment, ce qui s'est passé, c'est que son argent a été volé, son coffre-fort a été volé et a été emmené par des mecs. Alors, je sais pas si c'était des gens qui étaient sur le bateau ou qui venaient exprès dessus, mais ils ont emmené la cargaison sur un radeau pour rentrer sur le continent. Sur la terre ferme. Sur la terre ferme, exactement. Ouais. Voilà, donc le mec est rentré dans sa chambre, là où il disait de toute façon ça va pas quitter le bateau. Bah, manque de chance, si, ça a quitté le bateau. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Il a perdu quand même plusieurs millions dans l'histoire. C'est faux. C'est faux? C'est pas du tout crédible. Pourquoi? Mais vas-y, un coffre-fort. Et va prendre un coffre-fort super lourd. Ouais, puis si tu t'emmerdes, tu prends pas un radeau. Le radeau est cool. Tu prends ne serait-ce un Zodiac ou un truc du c'est genre. C'est une croisière qui est... Hein? Qu'est-ce qui te dit pas que le coffre-fort il est déjà dans le bateau? C'est une croisière. Non, il est pas dans le bateau. Il l'a amené avec lui, le coffre-fort. Ouais. Ouais, non, mais c'est surtout si tu voles et que tu prépares ton coup et tout. Et c'est un homme riche, il a forcément des esclaves, entre guillemets. D'où tu prends un radeau? C'est quoi cette idée? Des hommes de main. Hein. D'où tu prends un radeau pour évacuer un coffre? Pour en prendre un Zodiac, pour vous, un bateau c'est à faux. Moteur. Domestique. Ah oui. Alors, regardez ma feuille. En fait, j'avais oublié que je devais faire cette rubrique. Il l'a inventé. J'en ai inventé. C'était donc totalement faux, effectivement. Non, mais moi, je peux pas me trouver un truc comme ça. T'aurais dû dire un bateau à moteur, ça aurait été crédible. Oui, j'ai dit un radeau parce que c'est sorti comme un radeau, mais ça aurait pu. J'aurais les pu... gars s'emmerdent à construire un radeau pour aller. Non, mais ça aurait pu être une vraie histoire. J'aurais pu dire un radeau et c'était un bateau à moteur. Le radeau, pour ça, il aurait fallu qu'il soit directement sur la croisière ou alors les gens, ils ont rejoint la croisière en radeau. T'as toujours des radeaux. Non, lors d'une escale. Lors d'une escale, tu t'en profites. Ouais, mais c'est pas vraiment des radeaux, c'est des bateaux gonflables. Des bateaux de sauvetage. Ouais. Ouais. Enfin, ça marchait. Ouais. Des zodiacs. Ça a pas tellement marché, quoi. Hein. Non, ça a pas marché. Mais je suis désolé parce que j'avais totalement oublié qu'il fallait raconter fait, une histoire. Donc, tu vois. Moi, je vais te raconter une histoire. Alors, à Teddy. Alors, dimanche. On va lancer la musique. Allez-vous. Dimanche, j'ai été à la foire. J'ai voulu acheter du jambon espagnol. Vous en rappelez, ça on en a parlé tout à l'heure. Faut pas que je dise la réponse alors moi. Attends, j'ai pas commencé. J'introduis. J'introduis toujours. Du coup, j'ai pas pu en acheter parce que c'était cher. Du coup, j'étais triste. Du coup, lundi, qu'est-ce que je fais? Lundi, je vais dans une charcuterie. La charcuterie qui est pas loin du marché d'Amboise. Marché très célèbre, si vous avez envie d'y aller, allez-y. L'un des plus beaux marchés de France. Oui. Alors la charcuterie pas forcément, mais oui. Donc je vais voir le charcutier et tout, et je vois un jambon qui coûtait franchement pas loin de 70 balles le kilo. C'est beaucoup pas pour un jambon. C'est pas mal déjà. Bah oui, c'est pas mal. C'est tu pas mal. 10 kilos 700 euros. Non, 1 kilo 70 euros. Oui, bah c'est 10 kilos 700 euros. Ouais. Ouais. Ouais. Mais tu prends jamais 10 kilos de jambon. Ça dépend. Une cuisse, ça fait pas 10 kilos. T'adores les jambons toi. Ah oui, bah, mais ouais non. Enfin, puis même enfin pas en tranche, ça coûte cher. Enfin bref, du coup, il a ce jambon. J'ai dit putain, 70 kilos hein. Enfin non, pas 70 kilos, 70 euros, hein, ça fait mal. Je vais pas en prendre beaucoup, je vais en prendre du moins cher et je vais en prendre quelques tranches de celui-là. Donc je vais prendre 2 tranches de celui-là pour goûter, histoire de me satisfaire de ma défaite de, ouais, c'est ça, de c'est cette comme foire. Quand tu prends des échantillons de caviar quoi. Bah ouais, ouais. J'ai pris des échantillons de jambon. Du coup, je lui demande 2 tranches de jambon. Il me dit vous voulez des normales ou des belles? Je dis parce que les normales elles sont pas belles. Non, mais des belles ça veut dire qu'il y en a beaucoup. Non, il me dit les belles elles sont un peu plus grosses, c'est ouais, commercial ouais, c'est ça, de parler comme bien ça. Sûr. Ah ouais, d'accord. Ah ouais. C'est comme le vis-à-vis hein, c'est... Puis non mais c'est clair. Puis là t'as une vendeuse qui arrive, un peu boulotte là, j'ai dit ah les belles votre vendeuse. Elle a pas compris. Ah ouais. Il y a un petit temps de latence. Il y a un petit temps de latence. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? C'est faux. T'aurais pas fait ça. Non, je pense. T'aurais pas dit elle est belle votre vendeuse en parlant de la... après que tu aies dit elle est belle la cuisse de jambon. Non. Ah ouais? Non, t'as pas fait ça. T'as pas fait ça. Bah non, je l'ai pas fait. D'ailleurs, je tiens à préciser que ceci n'est pas vraiment une histoire de moi. C'est un humoriste qui l'a fait. C'était une bonne blague. Bonne blague. Alexis Le Rossignol, je crois, un truc du genre. Voilà. Copyright. Encore lui. En train de chercher la blague là. La blague. Raconte-lui. Bah, je viens de dire que sa meuf elle est belle. Enfin sa meuf ou sa vendeuse elle est belle. Il venait de lui faire le truc sur la belle tranche de jambon pour dire elle est assez grosse. Le gars il me dit que belle égale grosse. Ouais. Du coup. Il y a la vendeuse qui arrive. Ok. Ouais. Okay. C'est difficile. Vous l'aurez en podcast cette vanne. Hein. Ouais. Allez celle-là. C'est des vannes à retardement dans cette émission. Et nous va falloir que l'on se reconcentre. Moins subtil. Pour tout à l'heure. Après la pub. Après la pub, n'importe quoi. Après la réclame. Tout de suite après la pub. Ah, ça y est, non, c'est après quoi, la musique. Elle. Après la musique. Ah, t'aimes bien cette musique, hein. Oui, il y aura Recto Verso, on va enfin savoir qui c'est qui a fait tout ça. Actu solide sur Indestar. Ah, celui-là, il était court. Lui, il est toujours parti à gauche et à droite, là. Ça va, Théo, tu t'en sors bien, là. Tu fais des allers. Je vais piquer un stylo, du coup, il va repiquer un stylo. Non pas du tout, je te donne un stylo qui fonctionne. C'est mieux. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire? Oui, non, alors tu parlais du jingle qui était court, en même temps il y a l'essentiel, là, que tu es solide, Indestar, et hop, terminé. Ah bah oui, hop, bah, on c'est rentre tôt, chez oui. nous, c'est fini. Bah non, mais après vous avez qu'à écouter. Non, ce faut qui déjà se passe, qu'on résolue l'enquête et après on rentre chez nous. On résolue l'enquête, il faut déjà qu'on résolue l'enquête, t'es vraiment sûr de toi là? Qu'on résolue l'enquête. Qu'on résolve. On résolve l'enquête. Même moi qui parle pas français. C'est du verbe résoudre, hein. Oui. Et bah alors qu'on résolue l'enquête. Non, l'enquête elle est résolue. Si elle est résolue, mais elle. Avant de la. Oui. Avant qu'elle mais soit. C'est la résoudre. C'est qui a écrit Théo, je recto verso 3, énigme, résolution. Oui. Du coup, j'ai dit qu'on résolue. La résolution de l'enquête. Oui, ça, t'as le droit de le dire. Voilà. Mais ça, on résolut après. Pas une enquête. Si t'as. On peut passer à la suite, là, oui. Mais j'arrive pas. Alors, je rappelle quand même, rappelle-nous, l'enquête, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait ce soir? Alors, on est à. Idiotville. Idiotville, ouais. Dans le. On était aux États-Unis. Ouais. À côté de. Dans l'état de l'Oregon. Exactement. Mm-hmm. Mm. Et donc, ils ont une invasion de rats. Le okay. maire a fait appel à nous parce qu'ils sont des... Oula, ils sont envahis par les rats. De rats et ouais. On doit les dératiser. Voilà. Ou savoir pourquoi ils sont là, non oui. Oui, bah oui. Découvrir à la rigueur, comme ouais. ça on peut peut-être couper l'approvisionnement. L'herbe sous le pied. On oui. peut leur couper l'herbe sous le pied. Exactement, c'est rare. Expression à reprendre pour plus une tard. Émission ultérieure. Voilà. Et donc on a vous déjà avez... deux indices. Ouais, c'est quoi? Société et les animaux. Ok, très bien. Donc on repart là-bas. Et à vous de résoudre cette énigme, cette enquête. On va où là, Anaïs? Alors, on va aller voir Elliot, qui est en 5e grade. Donc, c'est le CM2 pour nous. Hein. Donc, il est réputé comme étant l'intello, non pas de la classe, ni même de l'école, mais de la ville. Oh, ça doit ah, être ouais. une tête. Et puis, moi, ces gamins, quand je vois leur sale gueule, et puis, ah, j'ai envie de les claquer. Ça doit être là. Hop, trop voilà. de violence. Je me défoule. Aïe. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ouais, très bien. Pas moi. Ah oui, pourquoi? Ah, beau petit bout de chou. Maintenant, j'arrive pas à mon problème de maths. Et la prof, elle l'attend dans 3 minutes sur le NT. Sinon, je vais avoir 0. Vous voulez bien m'aider? Non, on a autre chose à foutre, gamin. Math. Mais on va faire un effort. On va essayer, allez-y. Allez, en fait, j'en ai deux, mais on peut en prendre un. Vous voulez un truc sur les gommettes ou sur la confiture de mamie? Oh, les gommettes, c'est cool. Confiture de mamie. Gommettes. Bon, bah, allez, c'est gommettes. Pour les gommettes. C'est les gommettes, alors. C'est juste pour la faire chier que j'ai dit gommettes. Hein. Alors, bravo, bah. Prenez les gommettes. Attention, on n'a plus que 3 minutes pour résoudre tout l'exercice. Hein. Alors, je vous laisse faire. Par contre, il faudrait m'expliquer parce que moi, je ne comprends pas tout de qu'est-ce qu'il faut faire. Gommettes. Alors, les gommettes. Le maître apporte un sac de gommettes à un groupe de 3 élèves. Donc déjà, vous êtes 3... il y a 3 élèves qui veulent avoir des gommettes. Ok, et il y a un sac. Oui. Chacun en prend une poignée. Oui. Le sac est vide et les élèves comptent leurs gommettes. Oui. Gilles, j'en ai 12. Il en a pris 12. Nadia, j'en ai 9. Elle en a pris 9. Soledad, j'en ai 17. Elle en a pris 17. Le maître, voici encore un autre sac. Il contient 50 gommettes. Vous devez vous partager de façon à ce que chacun ait finalement le même nombre de gommettes. Ah oui? Vois, tous les élèves, ils doivent avoir les mêmes gommettes, parce que sinon, il y en a, ils disent « Oh, dis donc, j'ai trop de gommettes, et moi, moi, j'ai moins de gommettes que toi, et tout, c'est nul. » Ah oui, mais c'est compliqué, là, parce que du coup, Gilles, il en a 12. Oui, alors que, je crois, il y en a une, elle en a moins que 12. Elle en a 9. Elle en a que 9, alors que Soledad, il en a 17, lui, il a trop de sens, moi, j'aimerais trop avoir 17 gommettes, parce que, vois, une fois, le maître, il m'avait donné des gommettes. Tu peux te dire, s'il te plaît, je pas... Mais non, c'est parce que le maître, il nous a donné des gommettes. C'était trop bien, mais sauf qu'il y en a une dans ma classe, elle avait plus de gommettes que moi. Elle m'a dit, vas-y, pourquoi t'as plus de gommettes que moi? Et après... Alors, on doit se les partager de toute façon à ce que chacun ait finalement le même nombre de gommettes. Mmh. Alors, ok, donc si j'en enlève 10, par exemple, j'en mets 10 à toi, 10 à toi, 10 à toi, il m'en restera... Trouve pas la calculette sur mon téléphone. Faudrait m'aider parce que là, je comprends rien de qu'est-ce que vous faites, hein. C'est pas ce que vous faites. Ouais, bah je te dirai ça à la fin, quand j'en ai décidé. C'est parce que... Attends, il y a un problème dans ton exo? Non, c'est pas le problème, c'est exercice. 5, non, c'est le maître, il a dit faut faire ça, et il est sûr de celui. Faut arrondir? Ah bah non, faut pas arrondir. Hein? Bah non. 24. D'accord. 24, ça fait 25. Bon, en fait, il faudra en partager 50. 32. Ouais. Mais non, oui, 50 plus de tout, qu'est-ce qu'ils ont, les gommettes des arbres. Bon, bah du coup, j'ai une petite idée, petit chenapan. Ah? Alors, c'est simple, donc... Du coup, il en a distribué 12 à Gilles, 9 à Nadia et 17 à Soledad. Oui. Tu les additionnes, ces gommettes, pour avoir le nombre de gommettes total. Oui. Tu obtiens 38 gommettes. Oui. Après, tu as 50 gommettes qui veut repartager en 3. Oui. On est d'accord. Oui. Donc, tu additionnes les 38 plus les 50. Comme ça, tu as le nombre total de gommettes. Oui. Qui est 88. Oui. Et après, tu le divises par 3. Oui. Sauf qu'il y a une gommette qui va te rester, oui. Que tu peux pas diviser en 3. Du coup, ça fait 29 par personne. Oui. Plus une que tu gardes pour le prof. Ah, ça c'est le prof, il aura une gommette pour lui tout ça. C'est ça, tu y colles sur le front et tu lui dis va te faire fuck. Oh, c'est trop bien. Je rends l'exercice parce qu'il reste plus que 10 secondes. Ah bah vas-y. Alors le NT, c'est quoi mon mot de passe déjà? Ah oui, 1, 2, 3, 4. Voilà. Et là, je mets l'exercice. Et encore, j'ai bugué sur cet exercice. Ah, t'as encore 3 secondes, c'est le temps. Ouais. Hein, on va t'appuyer. Hop, pip. Envoyer. Bravo. Ah bah putain, c'est bon. Voilà, c'est rendu. Et merci beaucoup parce que grâce à vous, eh ben, j'ai rendu mon exercice. Ça trouve d'avoir une bonne note. C'est trop content. Ouais. Ouais, vous êtes trop fort, franchement. Ah, bah, mais t'as rien. Hein. Merci de m'avoir aidé. Bah, par contre, maintenant, ça va me coucher parce que demain, j'ai école. Et si je dors pas, ma maman, elle va me gronder tout rouge parce que ma maman, elle est trop protectrice. Ah bah oui. SPA. Putain. Hein? Qu'est-ce qu'il dit? Non, rien. Va te coucher, te coucher. À bientôt, les amis. Vous me revenez me voir, hein? Oui, bah oui, bien sûr. À bientôt. Salut. Salut. Putain, qu'est-ce que je les aime pas, ces gosses, décidément. Moi, c'est leur problème de maths. On va retrouver le maire, peut-être. Ah ouais, le traducteur du maire, peut-être, parce que j'ai peur que le maire soit dans un état de conservation. Mais c'est notre copain. Ouais. Bah, allez-y. C'est la mairie, hein, évidemment. Bonjour, c'est vous. Ah oui, c'est nous. Le traducteur. Tu portes un nom, traducteur? Alors, moi, c'est Mr. Stanfrank. Ouais, Mr. Stanfrank. Il faut qu'on voie le maire, parce que je crois qu'on a trouvé. Oui, bah alors, je vous amène voir le maire. Nye. Monsieur le maire, c'est les actus solides pour vous. Amélie parle votre langue couramment. J'ai l'impression, effectivement. Le maire vous demande si vous avez trouvé les indices. Ah, attendez. Nye. Né, né, né, né, né, né. peut-être un défaut de prononciation. C'est peut-être la traduction franco-anglais qui fait que... est-ce que vous avez les indices en français? Société, les animaux et protectrice. Ça donnerait quoi, ça? Société, protectrice, les animaux, SPA. Ah, mais bien sûr, attendez. Donc ça viendrait de la SPA, je pense qu'ils ont une fuite d'aura. Mais oui, non, mais c'est pas ça. Mais figurez-vous que la SPA, ils nous ont demandé sans cesse de l'argent pour qu'ils puissent acheter des céréales. Ils l'ont pas fait, bien pourquoi. Donc ils ont déposé des rats. Non, ils ont acheté des céréales, mais en 500... depuis qu'ils ont acheté des céréales, la prolifération de rats a augmenté de 500%. Voilà. Bah parce qu'elles se nourrissent. Parce que ils ont dû attirer les rats. Ils attirent les rats avec les céréales. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les convoquer. Enfin, je vais demander au maire de le faire parce qu'il s'entend fort bien avec eux. Il faut dire que celui qui dirige la SPA, c'est le frère du maire. Alors, moi, j'ai une idée si vous voulez. Monsieur le maire, vous pouvez appeler la SPA? Il a l'air d'être d'accord. Ouais. C'est... Il est enthousiaste. Vite fait, cette histoire. Si vous voulez, vous pouvez aller voir monsieur Poipois aussi. Qui joue du Poipoiphone. Il doit bien aimer les poules parce qu'il doit avoir des poules vu comment il parle. Vous lâchez les poules dans la ville. C'est moi qui vous ai donné son contact. Oui. Je le connais, c'est un ami. Vous lâchez les poules, ils vont bouffer les rats. En tous les cas, bonne visite dans notre magnifique ville d'Idiotville. Vous avez notamment la fontaine qui est à voir. Alors, elle ne distribue plus d'eau depuis bien longtemps, mais c'était un monument historique. Non, de la pisse de rats. Oui. Quoi qu'il arrive, il faut ni manger ni boire dans ce bled. Je ne vous conseille pas. Et vous pouviez vous demander pourquoi j'avais l'air intelligent. C'est parce que j'habite la ville d'à côté. Ah... Tout s'explique. À bientôt, en tous les cas, merci de nous avoir sauvés. Salut. Le maire vous remercie. Et les gars, moi, c'est victoire. Yo, man, toi, t'as la victoire. C'est la victoire. Actus du solide, c'est sur Indestar. Toi, t'as la victoire. Toi, t'as la victoire. Et Actus solide, c'est sur Indestar. Tu pourrais nous mettre une C'était du rap des années 80. Ouais, il était très inspiré ce rap. Ouais. Engagé, tout. Ça, c'est du rap engagé, ça. Ouais. Voilà, ça du NTM. Ouais, NTM, t'as vu, ouais, bien. Ta mère. Ouais, nique ta mère. Ouais, nettoie ta moto aussi. Ça marche. Nique-toi ta moto. Bah ouais, nettoie ta moto. Ah, nettoie, j'ai entendu nique-toi ta moto. Bah, nique-toi ta moto. Non, c'est ce qu'on disait quand on était gosse, pour pas dire nique ta mère, on disait nettoie ta moto. T'as pas de moto quand t'es gosse? Non, mais pour parler d'NTM, la signification d'NTM, on disait ça veut dire nettoie ta moto, tu vois. Ah, quand t'es en 6ème pour pas la choquer. Après, nous on a pas connu cette époque. Ah ouais, t'as pas connu l'époque d'NTM? Ah, bah personne a connu. Oh, ça va, j'étais jeune. Bon. Sur ce, demain vous retrouvez encore Teddy. Ah oui, ouais, Teddy tout le temps là. Je Teddy reviens. Le lundi, ça Teddy y, le mercredi, plus, Teddy le jeudi. Je vais vous donner un indice, on va parler d'albatros. De poissons, des animaux. D'oiseaux. T'as dit un poisson, moi. Non, oui, on va parler des animaux. Ouais. Venez, on va parler du myocastor. Ah, des rats aussi. On peut parler de rats, oui. Effectivement, de rongeurs, de ratatouilles, de ce que tu veux. De ragnagna. Oh. Vous connaissez pas la souris ragnagna? Ouais, c'est ça. Ouais. Je connais juste les ragnagna. Est-ce que tu veux qu'il y ait une souris qui s'appelle ragnagna? Non, mais je te crois. En plus, t'es ouais. C'est c'est comme un vampire. Et tu seras avec qui? Oh, tout seul. Je serai avec... oui. Ouais, c'est déjà pas mal. Non, je serai avec Kevin, Daniel, Linda et Thierry, en théorie. Ouais. Tu serais capable d'animer cette émission tout seul en même temps? Je peux faire l'émission tout seul, effectivement. On serait chier avec toi. Et le lundi? Non, je peux... Non. Ah, le lundi, bah y'a rien le lundi. C'est pause. Bah si, y a pas starter. Si, mais si, évidemment. Ça dépend. Et lundi, c'est un grand jour. Ah. Oui. Ah ouais, je vous confirme. Théo, c'est la fête des boulangers. Ah bon? Oui. Ah bon? Ouais. Okay. Le 16 mai, toujours la fête des boulangers. D'accord. La Saint-Honoré, c'est la fête des boulangers. Et devinez qui est né ce jour-là? Bah, je sais pas. Qui est né ce jour-là, Teddy? Oui, ça sera son anniversaire lundi. Et c'est vieux. Pour ça, pour l'occasion, toi qui roules en Alfa Romeo. Et ça te fait quel âge du coup? 32 coupé, ans là. J'ai 22. 27. Moi je sais. Toi-même tu sais. Ouais. Non, mais oui, tu roules en voiture italienne. En Alfa Romeo. En Alfa Romeo. Donc on va parler des voitures italiennes. Oui, exactement. Et la Et puis nous, la semaine prochaine, on part. On part quelque part. Tu veux que je te dise où on part? En Italie. Non, bah sinon on peut laisser suspense. Tu voulais un petit peu de suspense? Attends, je te dis si c'est si c'est intéressant ou pas. Si c'est intéressant ou pas. Attends, mercredi prochain, Actu Solite sera en mission. Ah non, ça c'est dans la ville. Ça on a déjà fait. Dans la ville, encore. Actu Solite la semaine prochaine sera, je connais pas. Doctor Who. Oh, oui. Comment ça, tu connais pas? C'est trop bien pas. C'est la série ça de science-fiction la plus grande au monde. Bah oui, avec. Et pourquoi tu nous fais Docteur Who alors que tu connais pas? C'est Anaïs. Mais parce que c'est Anaïs qui a demandé. Ça m'étonnerait pas. Arrêtez de me et mettre. Et puis c'est surtout qu'on nous a sollicité. On nous a envoyé plein de messages, tu sais, sur ma boîte mail. Et Docteur Who nous a sollicité pour une enquête. T'as une semaine pour regarder au moins une saison. Il peut pas. Et moi, je voulais juste vous rappeler, n'hésitez pas, on a un super jeu concours. Ouais. Deux places à gagner pour la pagode de Chanteloup à Amboise. Rien de plus simple, vous allez sur notre page Facebook Indestar et vous répondez à la question en commentaire, combien faut-il monter de marche pour grimper jusqu'au dernier étage de la pagode. Vu tout que vous le monde êtes peut resté, jouer. Vu que vous êtes resté jusqu'à la fin, 149. C'est bien. Si tu les montes 3 par 3, en même temps, tu l'as dit au début aussi. 150, on accepte. Hein, ouais, aux environs de... Non, non, 149, vous notez la réponse et à ce moment-là, à partir de là, il y a un tirage au sort. Et à n'importe quel moment sur l'antenne, vous pouvez être appelé. Donc n'hésitez pas à laisser votre... T'as bugué là. N'hésitez pas à laisser votre téléphone allumé, même en soirée. Même si vous faites autre chose, même si vous faites la teuf, le téléphone dans la poche et même si on si vous, vous appelle... Même si vous faites l'amour, vous répondez, bah, putain, c'est des places de pagode. Surtout si vous faites l'amour, oui. Bah bien sûr. Et en ça, même temps, ferez... Oh chérie. Et en plus, on vous on offre ça. Deux places. Donc ça tombe bien, vous pouvez y aller avec la personne de votre choix. Voilà, oui. C'est ça. Et nous, on vous laisse... C'est l'heure de partir. Avec un titre en portugais. Mia Rose. Mia Rose. Todo para brother. Todo para brother. Todo para derve. Mia Rose. Et nous, on fait des gros bisous et on vous souhaite une bonne semaine et à la semaine prochaine. Et à la semaine prochaine. Bisous à tous. Et merci Teddy d'avoir été présent dans cette émission. Ah oui, merci. Merci, merci à moi-même. Mouah. Oh, c'est gentil. Les podcasts Indestar, toutes vos émissions préférées, où vous le voulez, quand vous le voulez, sur indestar.fr et sur toutes les plateformes internet.